Le nom de Jésus est béni. Yeah. Amen. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Tout à sima ma bouima. Je vais prier. Ntaomba. Dieu notre Père. Mungu Baba Yetu. Nous te disons merci. Tunasema asante. Sois loué. Musifiwe. Sois élevé. Unyanyuliwe. D'éternité en éternité. Milele na milele. Les mots nous manquent, Seigneur. Misemo inatukosa bwana. Pour te louer. Dieu ya ukusifu. Quand nous regardons ce que tu as fait pour nous. Wakati tukiangalia ile ulitufania. Quand nous regardons ce que tu fais pour nous. Wakati tukiangalia ile unatufania kwa sasa. Quand nous regardons ce que tu feras pour nous. Wakati tukiangalia ile utatufania. Nous sommes pleins de joie. Tuna jaziwa na furaha. Pleins d'assurance. Tuna jaziwa na kikisho. Même si les montagnes bougent. Hata kama milima ikitenka. Même si les choses changent. Hata kama vitu vikibadilika. Même si une armée se campe contre nous. Hata kama jeshi kikampi pembeni yetu. Malgré cela. Hata bile biote. Nous aurons confiance en toi. Tuta kutumainia. Oh Seigneur. Oh Bwana. Bénis cette église. Bariki kanisa. Bénis quiconque venu adorer ici. Bariki yeyote aliko kuabudu hapa. Bénis-le de manière visible. Mbariki mnamna konekana. Ne laisse pas l'espoir de quelqu'un passer à côté. Usiache tumaini ya mtu kupita pembeni. Ne donne à chacun selon le désir de son cœur. Alakini upatie kila mmoja fatana na hamu ya moyo wake. Manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Ujonekanishe katikati yetu asubuhi ya leo. Parle-nous par ta parole. Useme nasi kupitia neno lako. Utuponye. Console-nous. Utufariji. Secours-nous. Utusaidie. Soutiens-nous. Utushikamishe. Que chacun de nous te voie. Kila mmoja wetu akuone. Et témoigne combien tu es grand. Na kushudie mara ngapi mkubwa. Oh bien-aimé Père Céleste. Oh mpendwa baba wa kumbingu. Qui d'autre? Nani mwingine? Dans le ciel. Mbingu. Sur la terre. Pa dunia. Qui nous a aimé comme toi tu nous as aimé? Ula litupenda vile litupenda. Qui nous protège comme toi tu nous protèges? Ula natulinda sawa vile wewe unatukinga. Nous ne le connaissons pas. Hatumjue mwingine. Merci. Asante. Car tu agiras. Wani utatenda. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amina. Esaïe chapitre 46. Isaya sura yake makumi ine na sita. Esaïe chapitre 46. Isaya sura makumi ine na sita. Verset 3. Mstari ya tatu. Écoutez-moi, maison de Jacob. Munisikilize mwe nyumba ya Yakobo. Et vous tous. Na mwe bote. Reste de la maison d'Israël. Mabaki ya nyumba ya Israeli. Vous que j'ai pris à ma charge. Mwe bale na lichugua mbuzito yangu. De votre origine. Tangia mwanjo yenu. Que j'ai porté. Bale na lichugua. De votre naissance. Tangia kuzalika kwenu. Jusqu'à votre vieillesse. Kufika na kubuze bwenu. Je serai le même. Mitakuwa hivyo hivyo. Jusqu'à votre vieillesse. Kufika na pale mutazeka. Je vous soutiendrai. Tamishikamisha. Je l'ai fait. Naliifanya. Et je vais encore vous porter. Na tamichugua tena. Vous soutenir. Kumishikamisha. Et vous sauver. Na kumiokoa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Munawezi kuketi. Je vous transmets les salutations de frère Jacques Baizire. Namiletea masalamu ya nduku Jacques Baizire. Il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Alimisalimia mujina ya Bwana Yesu Kristo. Et le frère Jérémy Chilombo. Na nduku Jérémy Chilombo. Il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Na yaliniambia ninisalimie mujina ya Bwana Yesu Kristo. Ya aussi le frère Igen Kalala. Huku tena nduku Igen Kalala. Il m'a aussi demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Naye aliniambia nimisalimie mujina ya Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse tous de manière particulière. Mungu amibariki nini wote mnamna ya upekee. Que Dieu bénisse le pasteur. Mungu amubariki pastori. Je peux le dire dès le premier jour que Dieu nous avait conduits. Nous avons été connectés comme Jonathan et David. Ici c'est un autre chez moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. Mungu amubariki pastori. Quand je suis dans cette église, je suis à l'aise. Wakati niku mu ikanisa, niku katika ustarehe. Je suis chez moi. Niku kwangu. Et surtout. Na zaidi. Et surtout. Zaidi. Il faut le dire. Inapashi kuisema. Quand vous voyez la manière dont l'esprit est en train d'agir. Wakati ile munaona namna roho iko natenda. On comprend qu'il y a deux véritables serviteurs de Dieu. Utaelewa ya kwamba paifazi peko watumishi ya Mungu ya kweli. Qui ne prêche pas les histoires. Bale abahubiri mabitu vya bongo. Parce que la foi ne vient pas des histoires. Kwani imani yatoke kubitu ya bongo. La foi vient de ce que l'on entend. Imani inatokea kwile. Kwile tukunasikia na neno la Mungu. Là où on prêche les histoires même si on ubiri mabitu bitu. Hata ukinamsha imani namna gani akuta kwa matokeo. Mais là où il y a la parole. Les cœurs sont déjà prédisposés. Quand vous présentez la parole, allez, l'église est emballée. Et Dieu descend pour agir. Que Dieu bénisse la chorale. Ah, Frère Douglas, que Dieu bénisse. Ah, Ndugu Douglas, Mungu akubariki. C'est des cantiques merveilleux de louange. Ah, ni mimbo ya sifa ya utukufu. Ça m'a fait pleurer. Ah, italilisha watu. Je suis rappelé de ce jour d'autrefois. Nakumbuka ile siku ya zamani. Où on pleurait à chaudes larmes. Mule turukwa nalia machozi ya moto. Jusqu'à ce que la paix s'installe dans le cœur. Ufika na pale salama inakuwa moyoni. Frère, nous vous rassurons. Duku tunamihakikishia. Dieu est réel. Mungu ni wa kweli. Et il est notre Père. Na, eko baba yetu. Si toi tu n'expérimentes pas Dieu, kama weye umuonje Mungu, qui va l'expérimenter? Nani basi atamuonja? C'est toi son fils. Ni wenjo mtoto yake. C'est toi sa fille. Wenjo binti wake. Si toi tu ne le vois kama pas, weye umuone, qui ne le goûte pas, umuonje, qui ne le touche pas, umuguse, qui va le faire? Nani ula taifanya? Il y a des choses que personne ne doit expérimenter à ta place. Akuku vitu bile mtu hawezi kuonja pa fazi yako. Le salut c'est toi et Dieu. Wokovu ni wewe na Mungu pekee. Personne ne doit être humilié. Hakuna mtu wa kuwa katikati. Toi qui étais perdu. Wewe ule ulikuwa mwenye kupotea. Maintenant tu dois être sauvé. Sasa unapaswa kuokolewa. Tu regardes ton état passé. Unaangalia hali yako ya zamani. En tout cas. Hakika. Comme le Swahili d'ici le dit. Ile Swahili ya huku inasema. Nilikuwa wa kupondekana. J'étais vraiment très perdu. Mais maintenant, ça. Je peux me regarder dans le miroir de la parole. J'appartiens à Dieu. Ninakuwa wa Mungu. C'est toi qui dois expérimenter. Pas quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit, c'est ta promesse. Romu takatifu ni malako yako. Je peux te poser une question. Nawezu kuliza ulizo. Si Dieu ne te baptise pas du Saint-Esprit. Kama Mungu asikubatize na Roho Mtakatifu. Il va baptiser qui du Saint-Esprit. Sasa atabatiza nani na Roho Mtakatifu? C'est toi son fils. Wewe ndio mtoto yake. C'est toi sa fille. Wewe ndio binti wake. Tu dois être convaincu. Unapaswa kuwa na ile hakikisho. Être concerné. Na ile mambo iko yako. Je vais vous amener à une petite dimension. Na mipeleka mukimo mwa kidogo. N'est-ce pas tu es méchant? Eti, suku kwanza kumutu mbaya, mkaidi. N'est-ce pas tu es mauvais? Suku mutu mkaidi. N'est-ce pas tu es pécheur? Suku mutenda zambi. Mais je t'informe. Alakini nakujulisha. Tu n'es pas Satan. Auna shetani. Tu n'es pas un démon. Auna demona. Tu es un enfant de Dieu. Huku mtoto wa Mungu ule mwenye kuanguka. Reconnais que tu es enfant de Dieu. Utambue ya kwamba huku mtoto wa Mungu. Relève-toi. Na ulamuke. Et viens à ton père. Ukuje kwa baba yako. Dieu répond aux prières. Mungu eko na jibia kwa maombi. Je vais aller doucement pour que vous compreniez. Nasema pole pole mupate kuelewa. Pouvons-nous aller dans le livre de Genèse? Tunawezi kwenda mkitabu ya Mwanzo? Dans le livre de Job? Mkitabu ya Yobu? Job qui était intègre. Job ularkuwa kunyoloka. Placé dans la position d'enfant de Dieu. Mwenye kuwekwa muali ya butoto wa Mungu. Le diable. Shetani diabolo. Puisque tout ce que Job avait. Kwani bile byote Job alikuwa nabio. Était protégé par Dieu. Bililindwa na Mungu. Tout ce que Job était. Le yote Job alikuwa. Était protégé par Dieu. Bilikingwa na Mungu. Dieu l'avait garanti la sécurité. Mungu alimhakikishia ukingo. Le diable est allé dans la présence de Dieu. Shetani alienda muwepo wa Mungu. Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job qui est intègre à moi. Mungu akamwambia unaona mtumishi wa Mungu wangu Job mwenye kwa mnyofu. Tu l'as protégé, tu l'as béni. Kwani ulimulinda na ulimbariki. Lakini mimi Shetani. Je connais que. Ninajua ya kwamba. Je ne peux rien faire contre Job. Siwezi kumfasha Job kibaya. Tu le protèges. Jua Mungu unamlinda. Maintenant je te prie. Sasa mimi nakusii. Enlève un peu ta protection. Ondosha kwanza ukingo yako. Permets-moi. Uniruhusu tu. D'aller le tenter. Niende kumjaribu. D'aller le toucher. Niende kumjaribu. Il va t'enjurier. Il va te maudire. Atakulani. Il va t'abandonner. Atakuacha. Dieu dit, Job ne m'abandonnera jamais. Mungu anamwambia Job kamwe hawezi kuniacha. Kwake tifadi. Hata ukifanya nini? Job ne peut pas m'abandonner. Job hawezi kuniacha. Parlons un peu de Satan. Tuseme kwanza kuhusu Shetani. Dieu répond à Satan. Mungu akamujibu Shetani. Il lui dit. Akamwambia. Vas-y. Wende. Détruis tout ce qui. Waribu byote bile konabyo. Et vous savez. Na munajua. Les ravages que le diable a fait. Waribisha kule Shetani alifanya. Il a tout détruit. Arirarua byote. Même la santé de Job. Ata afya njema ya Yobu. Mais Job était convaincu. Lakini Yobu alikuwa na hakikisho ya kwamba. Mon rédempteur est vivant. Mkombozi wangu ni hai. Un jour. Siku moja. Mes yeux à moi Job. Macho yangu bi Yobu. Pas les yeux de mon voisin. Apana macho ya mjirani. Pas les yeux de ma femme. Apana macho ya mke wangu. À moi, macho Job, yangu mimi Yobu le verra, itamwona wakati la tamuka. Église, vous êtes là? Kanisa munafuata? Le même Dieu, Mungu moya moya ule, il vint sur la terre dans la chair humaine. Akakuja pa dunia mumwili ya bumutu. Dans le corps de Jésus. Mumwili ya Yesu. Il vint. Akakuja. Et marcha. Na akatembea. Il arriva jusqu'à Gadara. Akafika na kugadara. A Gadara il trouve un démoniaque. A kugadara akakuta mtu mmoja alikuwa na mademona. Tout le monde parle des mots. On le lit par les chaînes. Mais il brisait, il rompait les chaînes. Et il passait la nuit et la journée dans les sépulcre. Alikuwa anapitisha usiku na mchana mu makaburi. Mungu kierisha misericordia. Mwenye kwa mtajiri murema. Face à face avec les démons. Uso kwa uso na ule demona. Il le chasse. Ah, anamfukuza. Il chasse des démons légion. Akafukuza. Mademona ilikuwa malejo ya mademona. Il le chasse. Akawafukuza. Les démons ont dit. Mademona kasema. Comme tu nous chasses. Vile unatufukuza. Nous acceptons. Tunaitikia. Mais nous savons. Lakini tunajua. Nous ne pouvons rien faire si tu n'autorises pas. Hatuwezi kufanya kitu kama uturuhusu. Nous ne pouvons pas entrer même dans les moustiques si toi tu ne permets pas que nous entrions dans les moustiques. Hatuwezi kuingia hata ndani ya imbu kama wewe uturuhusu. Il faut que tu nous permettes d'entrer dans les moustiques. N'a pas uturuhusu kuingia ndani ya imbu. Et que ce moustique là pique quelqu'un qui tombe malade. Aumize mtu apate kugonjwa. Maintenant nous savons que tu es le tout puissant. Tunajua sima uko mwenyezi. Là à côté. Pembeni. Nous voyons les pourceaux. Tunaona wanguruwe. Permets-nous. Uturuhusu. D'aller dans les pourceaux. Tuingie ndani ya wanguruwe. Dieu, Mungu, riche à miséricorde. Mtajiri mrema. Il dit allez-y. Akasema endeni. Montez maintenant. Mpande sasa. Dieu a répondu à Satan. Mungu alimjibia Shetani. Dieu a répondu au démon. Mungu alijibia mademona. Qu'est-ce que toi tu as fait? Sasa wewe ulifanya kwa nini? Qu'est-ce que toi tu es? Sasa wewe kwa nini? Pour que Dieu refuse de te répondre. Mungu akatalo kujibia. Frère, Duku, qu'est-ce que toi tu as fait. Nini wewe ulifanya? Pour que Dieu ya Mungu réponde à Satan. Amujibie Shetani. Amuruhusu. Je détruis Job. Amharibu Job. Je détruis tout ce que Job. Haribu yote ile Job alikuwa nayo. Mais qu'il refuse de te répondre. Lakini akatalo kujibia wewe. Que toi tu as fait. Nini wewe ulifanya? Pour que Jésus réponde aux démons. Ajibie mademoiselle. Il répond à la prière. Ajibu kwa maombi. Il demande des démons. Mitaji ya mademoni. Il dit entrez dans le pousseau, je le permets. Na miruhusu. Comme vous avez demandé, je réponds. Vile muliniomba, mimi namjibia. Qu'est-ce que toi tu as fait? Sasa wewe ulifanya kwa nini? Tu as manqué la foi. Unakosa tu imani. Tu as douté. Unashakia de la capacité de Dieu. Ya uwezo ya Mungu. De la manière de faire de Dieu. Namna ya kutenda kwa Mungu. Tu as douté de ta position en Christ. Unashakia mkimo wa Mungu. Msimamo wako ndani ya Kristo. Waamka. Lève toi. Simame. Crie. Ulalamike. Réclame. Ombe. Demande. Omba. Il répond. Na yatajibia. Écoutez les paroles d'assurance. Msikie misemo ya hakikisho. Qu'il nous donne. Il a natupatia. Il dit écoutez-moi. Anasema munisikilize. N'écoutez pas quelqu'un d'autre. Musimusikilize mtu mwingine. N'écoutez même pas vos pensées. Musisikilize hata mawazo yenu. N'écoutez pas vos raisonnements. Musisikilize mafikiri yenu. Écoutez-moi. Munisikilize. Maison de Jacob. Nyumba ya Yakobo. Et vous tous. Na mbote. Reste de la maison d'Israël. Mabaki ya nyumba ya Israeli. Vous. Mwaye. Que j'ai pris à ma charge. Pale mimi nalichugua mbuzito yangu. Frère. Duku. On peut arrêter la prédication. Unaweza hata kusimamisha mahubiri hapa tu. Si on comprend que Dieu nous a pris en charge. Kama tukielewa kwamba Mungu anatuangaikia. On est convaincu que. Tuko na hakikisho ya kwamba. C'est lui qui nous a pris en charge, c'est Dieu. Mungu yeye anatuangaikia ni Mungu. C'est fini. Unaisha. Vous que j'ai pris en charge. Mwe bale ni kunangaikia. De votre origine. Tangia mwanjo yenu. Retourne dans votre origine d'abord. Urudie kwanza mu mwanjo yako. De votre origine. Tangia ku mwanjo yenu. On te raconte que ton arrière grand-père. Bona kwa disi asema kambo yako wa zamani. Avait 9 enfants. Alikuwa na watoto 9. 8. Munani? Somor. Balikufa. Ton grand-père. Kambo yako. Est resté. Alibakia. Il a eu un seul enfant. C'est ton père. Alikuwa ni baba yako. Ton père. Baba yako a eu beaucoup d'enfants. Mais tu es le seul qui a cru. Lakini uko peke yako ndio uliamini. Amen. De votre origine. Tangia mwanzo yako. Bien contrôlé. Mungu alikuwa anaongoza. Mungu alikuwa anaangalia. Alikuwa anafuata. Alikuwa anakulinda. Mais ton arrière grand-père. Hata kambo yako wa zamani. Alilinda. Kwa ajili yako wewe. Viens regarder une vie. Mungu anaangalia na kusema. Si mère. Kama huyu akikufa. Mon enfant. Mtoto yangu ule. Qui sortira de son père. Ula tatokea kwa baba yangu. Qui sortira de son fils. Utatazalika kwa mtoto yake. De son fils. Wa mtoto yake. Atakujako. Il l'a protégé. Aliwalinda. À cause de toi. Kwa ajili yako wewe. De votre origine. Tangia mwanzo yako. De votre origine. Tangia mwanjo yenu. Que j'ai porté. Mwe vale nalichugua. De votre naissance. Tangia kuzalika kwenu. Ah, j'aime ça. Mina ipenda hii. De votre naissance. Tangia kuzalika kwenu. Iana ici. Kuko bale hapa. Qui n'ont pas vu leur mère. Bala bakuonake hata mama yabo. Tu n'as pas vu ta mère. Haukuone mama yako. Ta mère a mis au monde. Mama yako alizala. Après une semaine, elle est décédée. Kisha juma moja akakufa. Qui t'a fait grandir? Nani ulari kukomalisha? Dieu dit que j'ai porté. Mwe bale nalichugua. Je l'ai porté. Nalimchugua nimbeba. Nambeba. Nambeba. Je l'ai namuleya. Je l'ai. Alléluia. Que j'ai porté. Mwe bale nalibeba. De votre naissance. Tangia kuzalika kwenu. De votre naissance. Tangia kuzalika kwenu. Tu sors du ventre de ta mère. Natoka mtumbo wa mama. Mungu anakubeba. Les maladies ravagent les autres, mais toi tu es gardé. Magonjwa inaua wengine, wewe unachungiwa. Puisque Dieu voulait que tu croies. Kwani Mungu alipenda wewe upate kuamini. Les autres meurent par accident. Wengine banakufa kwa shiba, wewe unaepuka. Les autres sont empoisonnés, tu échappes. Wengine wanabatia sumu banakufa, wewe unaepuka. Dada. Où est même ta grande sœur? Ata mwenye dada yako iko wapi? Ta grande sœur biologique. Dada yako mulizalika na tumbo moja. Prostituée de profession. Mukaba wa mno. Ta petite sœur. Muloko yako mwanamke. Sorcière. Murozi. Reconnu. Mwenye kujulikana. Mais toi. Dasa weye. Fille de Dieu. Binti wa Mungu. Tu penses que c'est par ton intelligence? On a vu hier semaine une coupitie à qui a quoi? Qui t'a porté? Le monde de ta naissance. Tangi a kuzali kwa. Et ce Dieu-là dit ceci. Le monde là n'a c'est mais jusqu'à votre vieillesse. Kufika na mbuze yako. Je serai le même. Nitakuwa sawa sawa. Hivyo hivyo. C'est toi qui es né. Ni wenjo ulizalika. Mais Dieu n'est pas né. Alakini Mungu ya zalikake. C'est toi qui as grandi. Wenjo ulikomala. Mais Dieu n'est grandi. Mungu ya komela akomeake. C'est toi qui vieillis. Wenjo unazeka. Mais Dieu ne vieillit pas. Mungu ya zekake. Il dit jusqu'à votre vieillesse. Anasema kufika na kubuzee yako. Dès votre naissance, je vous ai porté. Na vile tangia kuzalika kwako nalikubeba. Je vous ai protégé. Nalikulinda. Je vous ai gardé. Nalikuchunga. Je vous ai nourri. Nalikulisha. Jusqu'à votre vieillesse. Ufika na kubuzee yako. Je serai le même. Mtakuwa sawa sawa hivyo hivyo. Que les années ne te poussent pas à t'inquiéter. Ma miaka ikusukume ushikusukume kujulika. Uko mikono mzuri. Oh. Tu es dans les mains d'assurance. Uko mikono ya kikisho. Tu n'as pas à t'inquiéter. Hauna nabia wewe kuzubika. Oh, je suis orphelin. Oh, niko muyatima hapa. Ndio. Uko moja ni sema. Je ne vous laisserai pas orphelin. Sitamiacha kamwe wa yatima. Ton père est mort. Baba yako alikufa. Ta mère est mort. Mama yako naye alikufa. Mais Dieu a dit. Lakini Mungu alisema. Je vous donnerai. Tamipatia. Des pères. Ba baba. Des mères. Ba mama. Des frères. Ba nduku. Des sœurs. Na badada. Que les frères s'élèvent. Ba nduku basimame. Les frères, levez-vous un peu. Ba nduku musimame kwanza. Frère, regardez autour de toi. Nduku ngalia pembeni yako. Tout ce que tu vois depuis ici jusque là, c'est tout des frères. Unaona tangia pa kufika na kule ni banduku yako. C'est dada. Regardez de ce côté. Tazameni ngambo. Tous ces gens que vous voyez. Hawa wote Mungu naona. C'est tous des frères. Ni banduku yako. Est-ce que ton père pourrait avoir de tel nombre de frères? Eh si baba yako alingekuwa na banduku yake bwingi hivi. Ces frères que vous voyez. Hawa banduku naona. Ils ne sont pas les seuls frères. Habana banduku peke yao hapa. Wende tena kulikasi kuna banduku yako. Wende kulumbashi kuna banduku. Wende kalemi una banduku. Wende kunorvege kuna banduku. Wende musiwede kuna banduku. Wende kwa Amerika kuna banduku. Même si toi tu parles Swahili. Hata kama unasema Kiswahili. Wao wanasema Kiingereza. Ni banduku yako. Unaunganishwa par la famille wa mjamaa asiyo ikaleni lese badada die hadi je vous donnerai des Mungu alisema tampatia banduku badada yako quelle sœur se lève badada mbele basimame hapo quelle sœur se lève badada bapate kusimama mbuima Sœur, regarde autour de toi. Tata, dada, angalia pembeni yako. Angalia kwanza pembeni yako. Même derrière, tu peux tourner la tête et te regarder. Uka tu angalie kumkongo kule. Tu sais que tu vois ici. Aba poto kunaona. C'est toi, c'est ça. Ni badada yako. Frère. Nduku. Regarde un peu. Angalie ni kwanza. Tu sais que tu vois. Aba bantu poto munaona. C'est toi, c'est ça. Ni badada yako. Et il y a d'autres qui ne sont pas ici. Huku wengine hawana hapa. Ça, c'est la petite famille. Aka ni jamaa kadogo. Ni la famille large. Huku jamaa mnene. Il y a une famille élargie. Huku jamaa ya munene. Asseyez-vous. Ikaleni. Maintenant je vous pose la question. Sasa na miuliza ulizo. Cette parole là. Hii neno hii. Que Jésus prononçait dans une facilité. Yesu alikuwa anasema tu kwa wepesi. Il n'a même pas dit en vérité je vous le dis. Kweli kweli je vous le dis. Na mipatia banduku na badala. Hapana. Il dit non non celui qui abandonnera. Ula atachaka kwa ajili yangu. De la bonne nouvelle. Na kwa ajili ya bali njema. Na mupatia bababa. Ba mama. Banduku. Na badada. Maintenant nous le voyons. Sasa tu kuna baona. Est-ce que cette écriture n'est pas accomplie sous nos yeux? Eti hii andiko haitimilike mukuona kwetu? Est-ce que cette parole est tombée par terre? Eti ilianguka chini? aucune parole de Dieu. Hakuna neno hata moja ya Mungu. Ne sans effet. Haiwezi kutoka bila matokeo. Toute parole de Dieu. Neno lote la Mungu. Puissant. Iko na uwezo. Iko na tenda. Iko na nguvu ya kutenda. Et quiconque croit. Yeyote anayeamini. Peut voir l'accomplissement de la parole. Ataona kutimilika kwa neno la Mungu. Comme vous voyez les frères et les sœurs. Leo unaona bantu kuna batata. Si vous lisez une promesse dans la Bible. Kama ukisoma maneno ya Biblia. Unabakia muimani. Vous allez voir la réalité. Utaona kutimilika. Jusqu'à votre vieillesse. Vous fiquez na kubuze yako. Mina penda yako. Jusqu'à votre vieillesse. Vous fiquez na kubuze yako. Je serai le même. Takuwa sawa sawa. Jusqu'à votre vieillesse. Vous fiquez na kubuze yako. Je vous soutiendrai. Tamkushikamisha. Il n'a pas dit je vous porterai. Ah, si vous non, mais il nous a déjà porté depuis la naissance. Maintenant, jusqu'à la vieillesse, na kubuze, souteni. Atatushikamisha. Souteni. Kushikamisha. Kukinga, kulinda. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Eti, mnawezi kuyelewa? Dans la foi. Ndani ya imani. Jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai. Est-ce que vous connaissez ce que ça signifie? Est-ce que vous connaissez ce que ça signifie? Quand quelqu'un devient faible, hein, je manque même la force de marcher. Je dis soutenez-moi, soutenez-moi. Vous voyez? Unaona? Moi je ne marche pas. Tena. Ce sont les frères ni qui wao, marchent. Et ils me portent. Soutenez-moi. Maintenant ma force, je m'appuie sur les deux. Nous ne nous appuyons pas sur aucun frère. Nous nous appuyons sur Dieu. Le Tout-Puissant. Le Puissant Conquérant. Nous nous appuyons sur lui. Même lorsque la force nous manque. Hata wakati ile nguvu inatukosa. Mungu anatushikamisha, anatushika, anatuchugua. Alors que les autres peuvent nous menacer. Japo wengine wanaweza kutushambulia. Mungu yeye atushambulia bana. Anasema mkuje kwangu. Mtu usharge. Wewe wote wenye kulemewa. Mtu usafie. Wenye kuchoka. Je vous donnerai. Kanipatia. Direpo. Mapumziko. Frère. Nduku. Comprenez ces choses. Mwelewe hivi vitu. Convaincu. Wenye kwa kiki si concerné. Akisha maneno na kwa yao. Convaincu. Mwenye kwa nakikisho. C'est moi. Ya kwamba mimi. Si je dors. Hata nikilala. C'est la grâce de Dieu. Ni kwa neema ya Mungu. C'est Dieu qui me protège. Ni Mungu ananilinda. Si je marche. Nikitembea. C'est Dieu. Ni Mungu. Et vous allez remarquer la manière de nous soutenir de Dieu. Utaona namna ile Mungu anatushikamisha. Là où il y a une distance de marcher à pied. Pale peko urefu ya kutembea na miguu. Dieu met la force dans tes pieds. Mungu anaweka nguvu miguu zako. Pour que tu marches à pied. Upate kutembea kwa miguu. Sans te fatiguer. Bila wewe kuchoka. Là où il faut marcher à vélo. Pa kutembea na kinga. Dieu met l'énergie en toi. Mungu anaweka nguvu ndani yako. Pour que tu roules à vélo. Ili upate kutembea na kinga bila kuchoka. Là où il faut aller à moto. Pa kutembea na pikipiki. Dieu te donne les moyens. Mungu anakupatia namna. Pour prendre le moto, arriver. Uchukue pikipiki na ufike. Eka ini regari ni nono. Wakati anaangalia asema hapana. Ma bien, il faut que je lui donne la voiture. Inapashi nimpatie gari. Il ne va pas casser la tête. Hawezi kupasula kichwa. Tu ne vas pas casser la tête. Il y a même des choses que Dieu nous donne. Nous n'avons pas prié. Tu es en train de penser, comment je peux avoir telle chose. Dieu regarde les besoins. Il donne. Soyez plein d'assurance. Soyez plein d'assurance. Un jour j'ai expérimenté cette folie de la foi ici. Après la prédication j'ai dit à ma femme, prends le panier, on part au marché. On ne donne pas l'argent. Et on va au marché. Tu veux qu'on achète les poissons, ça va manger, acheter une provision de mois. Le soir. Et Dieu qui sonde le cœur. Dieu qui donne selon les désirs du cœur. Sana na hamu ya moyo wako. Alitupatia. Nous vous disons les choses que nous avons expérimentées. Je vais vous donner un petit conseil. Lorsque tu as un besoin, ne limite pas Dieu. Je vais vous lire les Écritures. Ne pense pas que pour que tu construises, il faut d'abord un bon travail. Après un bon travail, il faut un bon salaire. Après un bon salaire, il faut acheter la parcelle. Après la parcelle, tu commences à construire. Si tu as besoin de la maison, Dieu donne-moi la maison. Ne dis pas à Dieu comment te donner la maison. Dis-lui de te donner la maison. Il faut qu'il commence par le travail. S'il faut qu'il touche quelqu'un, que son nom soit loué. Mais moi, ce que je demande, c'est la maison, ça me suffit. C'est gratuit. Jusqu'à votre vieillesse, il serait le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Il dit, je l'ai fait. Qui peut contester que Dieu ne l'a jamais soutenu? Je vous ai déjà porté. Je l'ai fait. Et je vais encore. Je vais encore vous porter. Je vais encore vous soutenir. Et vous sauver. C'est Dieu qui te parle. Je vais encore vous soutenir. Et vous portez. Et vous sauvez. Il vous pose maintenant la question. À qui me comparerez-vous? Pour refaire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. La réponse est à personne. N'est-ce pas? La réponse est... convaincu et concerné. Na maneno inakuwa yako. Regardez cet homme qui était convaincu. Tazameni huyu mtu alikuwa na hakikisho. Elia. Il était convaincu. Alikuwa na hakikisho. Un roi. Mfalme wa kwanza. Vous voyez, il y a des histoires qui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Juu ya kutusaidia sawa mfano. Un roi. Wafalme wa kwanza. Chapitre 17. Sura ya 17. Vous savez ce qui est arrivé à partir du verset 8? Mnajua ile ilifika kuanzia mstari wa 8. Comment il est parti chez la femme de Sarepta? Namna gani alienda kwa mwanamke wa Sarepta? Namna gani Mungu alifanya muujiza? Verset 12. Mstari wa 12. Elle répondit. Na ule mwanamke akajibu. L'Éternel ton Dieu est vivant. Wa milele Mungu wako ni mzima. Je n'ai rien de cuit. J'ai mis une poignée de farine dans un pot. Un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Oui. Kisha. Je rentrerai. Tarudi. Je préparerai. C'est là pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi? Kisha ile. Nous mourrons. Tutakufa. Elle connaissait son état. Alijua ali elle yake. Connaissait sa situation. Alijua ali yake. Eli lui dit. Elia akamwambia. Ne crains point. Usiogope kitu. Frère, quand Dieu veut faire quelque chose, Duku, wakati Mungu anapenda fanya kitu. Il veut d'abord mettre l'assurance en toi. Anapenda kwanza weka hakikisho ndani yako. Ne crains point. Anamwambia usiogope kitu. Si tu crains. Kama ukiogopa, rien n'arrivera. Hakuna kitu kitakufikia, utapata kitu. Usiogope. Rentre. Urudi. Fais comme tu as dit. Ufanye vile unatoka mkusema. Prepare comme tu as dit. Upike ile mkate vile unasema. Alakini prépare-moi d'abord. Unipikie kwanza mimi. Avec cela. Na ile huku na un petit gâteau. Mkate kidogo. Et tu me l'apporteras. Na kisha utaniletea hiyo. Qui en fera ensuite pour toi et na pour ton fils. Na kisha utarudia uipikie. Car. Mtoto wako na wewe mwenyewe. Kwani? Car. Kwani? Ainsi parle l'Éternel. Hivi wa milele anasema. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. La farine. nene bunga qui est dans les pots yenye kwa mutungi ya makera point aita kosekana kama l'huile na mafuta qui est dans la crise yenye kwa mchupa yako ayesu kamwe kupunguka kufika na mchupa ule eternel ile wa milele atombe de la pluie atanyeshesha mvula la face du sol pabulongo frère du comprenez ces choses. Mwelewe maneno haya. C'est arrivé. Ilifika. Comme nous le lisons. Paka vile tunaisoma. Il ne va rien manquer. Akutakosekana kitu. Prépare-moi. Unifikie kwanza. Elle alla. Akaenda. Elle fit selon la parole d'Elie. Akafanya fatana na maneno ya Elia. Et pendant longtemps. Na kwa muda mrefu. Elie de quoi manger. Alipata chakula. Elle. Yeye. Et sa famille. Na jamaa yake. Aussi bien. Pamoja tena. Elie. Na Elia. La farine qui était dans les pots. Bunga bule buruka mumutungi. Ne manquait point. Abukukosekane. Et l'huile qui était dans la crise. Na mafuta ile kwa mchupa. Ne diminua point. Haikupunguke kamwe. Selon la parole. Fatana que l'Éternel avait prononcé par Elie. Upitia Elia. Pas selon la parole qu'Elie avait prononcée. Apana kufatana na neno Elia alisema. Kufatana na neno. Ile wa milele alisema par upitia Elia. Dieu nous a prononcé une parole. Mungu alituambia neno moja. Par ses serviteurs. Kupitia batumishi yake. Et ces choses sont vraies. Na hivi vitu ni vya kweli. On peut prendre cette église dans des angles. Tunaweza kuchukua hii andiko mwa ngambo mbili. Je voulais seulement relever votre foi. Na nipenda tu kulamusha imani yenu. Dans cet angle où il est écrit. Mwi ngambo mwi namu na balia. Mais remarquez que cette femme avait pris. Tatamini huyu mwanamke. Alichukua makuni mbili. Le type de la croix. Mfano ya picha ya msalaba. Là où notre Seigneur ule bwana wetu devrait mourir. Alipashi kufa. Pour nous donner la liberté. Ja kutupatia uhuru. Pour nous donner tout. Ja kutupatia yote. Et tout est accompli. Anasema yote natimilika. Basi tout est accompli. Kweli yote natimilika. Le diable a essayé de le déranger. Shetani alipima kumzuiza. Au verset 17. Mstari wa 17. Après ces choses. Kisha maneno haya. Le fils de la femme. Ule mtoto wa mwanamke. Maîtresse de la maison. Jakazi wa nyumba. Devait malade. Akakuja mgonjwa. Et sa maladie. Na magonjwa yake. Si violente. Ikakuwa ya nguvu sana. Qu'il ne resta plus en lui de respiration. Akukumbakirie tena kupumzika. Donc il mourit. Manake alikufa. Cette femme, et maintenant écoutez. Là, ça, c'est il faut qu'on mette feu au théâtre. Il n'a pas ce qu'on michezo. Il faut qu'on mette feu au théâtre. Qu'elle soit convaincue. Avant même de faire une chose. Qu'elle soit certaine que nous sommes dans la volonté de Dieu. Tu condamnes ya mapenzi ya Mungu. Cette femme dit alors à Elie. Mwanamke akamwambia basi Elia. C'est cette femme qui a dit à Elie. Yule mwanamke alimwambia Elia. C'est pas Elie qui est parti chercher l'enfant. Aina Elia alienda kutafuta. Pour dire je vais vous prouver que je suis prophète. Amenez la page, je vais le ressusciter. Ni kumnabibulete mtoto ni mfufule. C'est pas cette femme. Yule mwanamke. Cette femme dit alors à Elie. Mwanamke akamwambia basi Elia. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Ni maneno kani kukatikati yako wewe na mimi mtumishi wa Mungu. Vous écoutez. Munasikia. Vous écoutez même l'attitude. Munasikia ta ali. Qui a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Ni maneno gani kukatikati yako wewe na mimi wewe mtumishi wa Mungu? Es-tu venu chez moi? Eti ulikuja kwangu? Pour rappeler les souvenirs de mon iniquité? Je kukumbusha ukumbusho ya uovu wangu? Oh! Wana. Et pour faire mourir mon fils? Je kuuisha mtoto yangu? Homme de Dieu, mutumishi wa Mungu. Je sais que je suis pécheur. Mina jua sani kumtendaza. Est-ce que tu es venu à moi? Et pour me rappeler les souvenirs de mes péchés. Pour kunikumbusha madhambi zangu. Pour me dire que Dieu me pardonne. Jua kuniambia sa Mungu anisamehe. Ne rappelez pas les souvenirs de péchés des frères et des sœurs. Usikumbushe madhambi ya bantu kuna badada. Parlons de la gloire de Dieu au milieu de nous. Tuseme kuhusu de la puissance de Dieu katikati yetu. Ya uwezo ya Mungu. Ya kile Mungu anafanya katikati yetu. Arrêtez de regarder ce que le diable peut faire. Usimamishe usiseme na kuona vile shetani anafanya katika lakini uone ile Mungu anafanya katikati yetu. Il lui répondit. Naye akamjibia. Donne-moi ton fils. Unipatie mtoto yako. Et il le prit du sein de la femme. Akamchukua toka mkifua mama yake. Le monta dans la chambre haute. Akampandisha mchumba ya juu. Où il demeurait. Mula alikuwa nakaa. Et le coucha sur son lit. Akamulalisha pa kitanda yake. Puis, kisha il invoqua l'Éternel. Akaita wa milele. Et dit, nakusema, Éternel, wa milele, mon Dieu, Mungu wangu. Mon Dieu, Mungu wangu, Dieu n'est pas seulement Dieu, Mungu ana tu Mungu, mais il est mon Dieu. Alakine ko Mungu wangu. Dieu n'est pas seulement Dieu, Mungu ana tu Mungu, mais il est ton Dieu. Alakine ko Mungu wako. Tu dois l'expérimenter comme mon Unabashi Dieu. Kumuonja sawa Mungu même wangu. Quand il lui parle, tu sais que je parle à mon Dieu. Hata wakati unamwambia, unjua sema unasema na Mungu wako. Mon Dieu, Mungu wangu, est-ce que tu affligerais? Eti utahuzunisha. Au point de faire mourir son fils. Mukimo ya kumisha mtoto yake. Même cette veuve. Hata huyu muyane. Chez qui j'ai été reçu comme hôte. Mwenye nalipokelewa sawa mugeni. Vous écoutez la prière. Munasikia maombi. Il faut avoir les arguments dans la prière. Inapaswa kuwa na misemo mu maombi. Et il s'étendit trois fois sur l'enfant. Na kadinyosha mara tatu juu ya mtoto. Invoqua l'Éternel et dit. Na kumuita wa milele na kusema. Éternel mon Dieu. Wa milele Mungu wangu. Je t'en prie. Na kusi. Que l'âme de cet enfant revienne au dedans de lui. Nafsi ya huyu mtoto pate kurudia ndani yake. L'Éternel. Wa milele. Écouta la voix d'Elie. Alisikiliza sauti ya Elia. Et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui. Na nafsi ya mtoto ikamrudia ndani yake. Et il rendit à la vie. Naye akafufuka. Elie prit l'enfant. Elie akachukua mtoto. Le descendit de la chambre haute. Akamshusha toka dans la maison. Munyumba. Et le donna à sa mère. Akampeleka kwa mama yake na kusema. Tazama, ton fils est vivant. Mwana wako yuko mzima. Et la femme dit à Elie. Na mwanamke akamwambia Elia. Je reconnais maintenant. Mimi natambua sasa hivi. Que tu es un homme de Dieu. Ya kwamba kumtumishi wa Mungu. Na tena la parole de l'Éternel. Neno la wa milele. Dans ta bouche. Mukinyo yako. Eh? Iko vérité. Ukweli. L'église saisit. Kanisa nashika. Vous saisissez? Munashika. Ça ce sont des preuves. Hii ni hakikisho. Que même la mort ya kwamba hata kifo devant le croyant mbele ya mwaminifu ne peut pas résister. Haiwezi kushindana. Même la mort hata lufu. Eh? Na cette connexion là hii kujunga. Il faut que ça soit entre toi. Inapashi kuwa katikati yako. Et l'homme de Dieu. Na mtumishi wa Mungu. Cette femme. Kwani huyu mwanamke. Elle a parlé à l'homme de Dieu. Alimwambia mtumishi wa Mungu. L'homme de Dieu, ule mtumishi wa il Mungu, a parlé à Dieu. Na yanimwambia Mungu. Dieu, Mungu, il a exaucé. Alikubali. Même cette écriture de Jacques ici. Hata hii andiko ya Yakobo. Alors rapidement ici. Twende kwa haraka. L'écriture de Jacques. Andiko ya Yakobo. Je vais vous montrer quelque chose. Tamionyesha kitu kimoja. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa munafuata. Si je voudrais aller doucement pour que napenda kwenda pole pole. Quand nous allons prier, wakati ile tutaomba, qu'on ne quitte pas ici avec l'espoir. Tusitoke hapa na matumaini. Qu'on quitte ici avec ce qu'on a demandé. Alakini tutoke hapa na ile tuliomba. Jacques chapitre 5 verset 13. Yakobo 5 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Eti mmoja katikati yenu eko katika mateso? Qu'il prie. Apate kuomba. Pourquoi prier? Dieu nini kuomba? Pour que la souffrance se termine. Dieu mateso malizike. Quelqu'un est-il dans la joie? Eti mmoja iko katika furaha. Il chante des cantiques. Apate kuimba nyimbo. Pourquoi chanter? Dieu nini kuimba? Pour exprimer sa joie. Dieu akonesha furaha yake. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Mmoja katikati yenu eti iko mgonjwa? Qu'il appelle les anciens de l'église. Aite wazee wa kanisa. Et que les anciens prient pour lui. Na wazee wapate kumwombea. Alouenua d'huile au nom du Seigneur. Kumpaka mafuta mujina abwana. Pourquoi appeler les anciens? Janini kuita wazee? Puisqu'il veut la guérison. Kwani anapenda utunzo. Si tu veux mourir. Kama unapenda kufa. N'appelle pas les anciens de prier pour toi. Usite wazee wa kuombea. Si tu connais que tu vas mourir. Kama unajua sema utakufa. Ne les appelle pas. Usiwaite basi. Si tu connais que Dieu ne va pas les écouter. Ama unajua sema Mungu hata wasikiliza. Ne les appelle pas. Mumbi usiwaite. Si vous connaissez que. Kama unajua ya kwamba. Dieu, Mungu, ne va pas répondre. Asta jibi, asta kubali. Ne prie pas. Usiombe basi. Si vous avez des doutes, kama kuna mashaka, ne prie pas. Usiombe. Attendez que l'assurance s'installe dans le cœur. Uchunge kwanza kikishe kwe mumoyo. Même pour appeler le pasteur. Hata jua kumuita pastori. Appelle-le. Umuite. Pour qu'il prie. Dieu apate kuomba. Que Dieu exauce. Mungu akubali. Que tu aies la réponse. Upate jibu. Ne font pas jouer avec les hommes de Dieu. Apana kucheza na watumishi wa Mungu. Ne font pas perdre leur temps. Haipashi upoteze wakati yabo bure. Si tu connais que. Kama unajua ya kwamba. Cette maladie qui me ronge. Hii magonjwa ni mtesa. Cette maladie qui me dérange. Magonjwa na nisumbua. Elle est par un péché. Inatokea kuzamu. Répare. Kumbe utengeneze. Répande-toi. Utubu. Confesse. Ukiri. Si tu as tout mis en ordre. Kama unesha tengeneza yote. Puisque là, il faut appeler les anciens. Wani pale na pashi wite wazee. Puisqu'ils sont les gardiens des secrets. Wani wao ndio wako na siri. Il faut les appeler. Inapashi kuwaita. Et ne pas les flatter. Hapana kuwabembeleza. Les dire tout. Kubambia maneno yote wazi. Pasteur. Pastori. Si je souffre. Kama niku nateseka hivi. C'est mon incrédulité. Ni kutokuamini kwangu. Quand tu prêchais là, wakati ulikuwa unahubiri pale, je t'injuriais dans le cœur. Nalikuwa nakutukana moyo wangu. Et depuis ce jour le cœur gonfle. Tangia ile siku moyo inavimba. Il ne va pas te tuer. Au hasta kumua. Il ne va pas t'amener en prison. Hasta kupeleka mgereza. Ni tia mal fait. Atasema tu ulifanya mbaya. Tuombe sasa Mungu. Ne font pas jouer. Les paroles de Dieu sont vraies. Nous devons être convaincus. Et agir en conséquence. Na kutenda kufatana na hiyo. Et agir. Na kutenda. On va voir les résurrections des morts comment ça s'est passé. Utaona ufufuko wao ya wafu itaonekana. Même ici. Hata hapa. Si Dieu veut ressusciter les morts, kama Mungu anapenda ufufuo wafu, il n'y aura pas de flatterie. Hakutakuwa mambo ya kubembelezana. Dieu va mettre des convictions dans le cœur de son serviteur. Mungu ataweka hakikisho ndani ya moyo ya mtumishi wake. Et il va aussi parler. Na atasema tena. Dieu parle. Mungu yuko anasema. Par des visions. Kupitia maono. Par des songes. Kupitia maandoto. Par sa parole. Na kupitia neno la. Il va parler. Atasema. Il donne même les directives. Analeta taongozi. Nous n'avons pas le temps pour le théâtre. Attendez, atuna na wakati juu ya michezo. No! Hapana. Ou? Au? Dieu met l'assurance en toi. Mungu anaweka kikisho ndani yako. Le porteur du problème. Mwenye kwa na mambo. Tu viens te dire, unakuja na kusema mtumishi wa Mungu. Prier. Uombe. Je me rappelle de cette femme en Afrique du Sud. Nakumbuka mwanamke kule kwa Afrika. Quand j'étais à Johannesburg. Wakati na kwa kule kujana. Elle avait 20 ans. Alifanya miaka 12 sans enfant. Bila kuzaa. Dieu a exaucé sa prière. Mungu alikubali maombi yake. Et le jour qu'elle a mis au monde. Na siku ile alizaa mtoto wake mwanaume. Dans la salle de technique. Mwile chumba kuzalia. L'enfant était décédé. Mtoto alikufa. Les médecins ont commencé à dire non, Wanganga il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Hakuna tena kile tutafanya. Cette femme, il fallait la regarder dans le mwanamke na pesa kumwangalia muso. Elle me dit frère Pascal. Akaniambia ndugu Pascal. Je crois que naamini ya kwamba Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier. Eko sawa sawa jana. Aujourd'hui, leo, éternellement. Na milele. Je crois que naamini ya kwamba mon enfant, yangu, c'est Dieu qui me l'a donné. Ni Mungu alinipatia. Et la bénédiction de Dieu na, baraka n'est pas accompagnée de chagrin. Aisindikizwake na je crois huzuni. Que naamini ya kwamba si tu pries kama ukiomba Dieu va le ramener à la vie. Mungu atamrudisha mzima. Tu savais qu'il te soit fait selon ta foi. Nikasema mzuri ufanikie kufatana na imani yako. Tuombe. Frère, nduku, même les médecins étaient scandalisés. Hata banganga balikuwa na. Puisque pour eux c'était fini. Wabo ilikuwa nisha na mpika. On prie, tunaomba, tunaomba. Mungu qui se révèle dans la simplicité. Mwenye kujifunua katika unyenyekevu. Anashuka mule mchumba. La vacri. Mtoto analalamika. La mama. Qui était sans force. Ule alikuwa bila nguvu. Anaruka. Elle récupère la. Anachukua mtoto yake. Elle regarde. Anamwangalia. Anasifu Mungu. Vous avez déjà vu quelqu'un qui l'oublie, il oublie même qu'il n'est pas habillé. Unaisha sabwaka. Kuona mtu anasifu Mungu anajisahau asimana na mavazi. David l'a fait aussi. Daudi naye alifanya vile. Puisque la joie était immense. Du furaha ilipita mno. Amen. Amina. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Ayez confiance dans les anciens de l'église. Ils ne sont pas des parvenus. Ils sont dans les programmes de Dieu. Si tu es convaincu qu'un ancien est un homme de Dieu, qu'il est dans les programmes de Dieu, ils ne font pas avoir les antennes. Tu es malade, tu appelles quelqu'un, appelles les anciens. Ils sont des hommes de Dieu. Bon, Dieu les écoute. Mungu yako nabasikiliza. Même si c'est une courte prière. Hata kama ni kamaombi kafupi. Toi et la foi. Wewe ukwetu na imani. Et tu vas voir. Na utaona. Il dit amen. Akisema tu amen. Il lève. Unalamuka. Tu dis ainsi, je t'accompagne. Nasema mzee nikusindikize. Je t'accompagne. Nikusindikize sasa mimi natunzwa, mimi napona. Je vous lis l'écriture. Nimesomea andiko. Je vous lis l'écriture. Na misomea andiko. Marc chapitre 5. Marco sura ya 5. Je vous lis l'écriture. Ni unamisomea andiko. Marc chapitre 5. Marco sura ya 5. Verset 21 dit ceci. Mstari ya 21 unasema hivi. Verset 25 pour gagner du temps. 25 ja kumboa wakati. Japo. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ulikuwa mwanamke ule alikuwa anavuja damu tangia miaka 12. Écoutez un peu, Musikie kwanza. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Aliteseka sana mu mikono ya banganga ba mingi. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Na alipoteza yote ile alikuwa nayo. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Asikupate faraja hata kidogo. Mais était allé plutôt en empire. Lakini magonjwa yake yaliendelea zaidi kwa mubaya. Douze de souffrance. Miaka 12 ya mateso. La souffrance de la maladie. Mateso ya magonjwa. Plus la souffrance des déclarations des médecins. Na zaidi mateso ya misemo ya banganga. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Aliteseka mu mikono ya banganga ba mingi. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Na alipoteza fedha yote alikuwa nayo. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Asikupate faraja hata kidogo. Ces médecins pouvaient le considérer de, oh, sœur, l'hémorragie. Ah, banganga wanaanza mtunza soko, damu inatoka. Oh, ni cancer. Oh, hépatite. Oh, ni hépatite. Les médecins, ils ont des noms. Banganga wako na majina. En tout cas, ils ont étudié les noms. Akika barifunza majina. Mais nous avons le nom de la maladie. Lakini sisi tu kuna jina. Ce sont des démons. Ya magonjwa ni mademona yote. Les médecins, ils ont les noms. Banganga wako na majina. Quand ils te disent les noms comme ça. Bakikutaia majina. Si tu n'es pas appuyé sur Christ. Kama usimamie pa Kristo. Tu peux même tomber. Unaweza hata kuanguka. La maladie va même s'aggraver. Magonjwa inaweza kunenepa. Mais. Alakini. Il faut connaître ta situation. Comme cette femme connaissait son problème. C'est pour cela que nous vous conseillons même d'aller vous consulter. Si tu peux aller à l'hôpital, si tu vois, je souffre du sida. Maintenant tu dis, il n'y a aucun médecin qui va me guérir. Je tourne mes regards vers Jésus. Jésus va ôter le sida. Et tu le loues. Ayant entendu parler de Jésus. Alisikia veko nasema mambo ya Yesu. Elevé dans la foule par derrière et toucha son. Akaenda mukundi kumukongo yake na kuguza vazi lake. Car il disait. Kwani alikuwa anasema. Si je puis seulement toucher ses vêtements. Kama nawezi kugusa tu vazi yake. Je serai guéri. Mie ntatunzwa, ntapona. Pas je verrai si je peux être guéri. Ainasema taona kwanza kama ntapona. Mi ntapona. Elle était convaincue. Alikuwa na hakikisho. Si elle touche le bord des vêtements de Jésus. Akiguse tu vazi ya Yesu. Elle sera guéri. Atapona. Je serai. Ça c'est sa déclaration. Est-ce qu'elle dit msemo yake? Est-ce kanisa mnafuata? Écoutez sa déclaration. Sikie msemo yake. Si je puis seulement toucher ses vêtements. Kama nawezi kugusa tu mavazi yake. Mie. Tatunzwa. Je serai. Tatunzwa. Tapona. Je serai guéri. Mi tapona. Au même instant. Parlez tout. La perte de sang s'arrêta. Vous l'écoutez quoi d'amour, kuka si mama. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Akasikia mumwili yake ya kwamba alipona na magonjwa yake ile. Au même. Parlez tout. Omeme. Pale pale. Église. Eh, tu kanisa. Vous êtes ici, hein? Mukwa pa. Omeme instant. Pale pale pale tout. Au même instant, pas qu'à parler, parler, parler. Il est senti dans son corps qu'il était plus fort. Et non, il est pensant. Et non, il est cri. Il est senti. Il est senti. Elle avait la foi que si je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Et comme elle avait la foi, elle a mis la foi en action. Elle a touché. Et au même instant, elle n'a plus crié. Mais elle est sentie. Elle n'a plus crié. Elle a senti. À la kine alisikia. Elle croyait. Alikuwa naamini. Avant d'aller vers Jésus. Mbele ya kumkaribia Yesu. Quand elle est arrivée. Wakati alifika pale. Elle a mis la foi en action. Alitumikisha imani. Elle senti. Na kisha akasikia. Elle senti maintenant dans le corps. Alisikia sasa mwili ya kwamba anapona. Et comme elle senti ça. Bila alisikia vile. La perte de son sang. Na kufuya kwa damu. Sarita. Ukasimama. C'est de ça que nous avons besoin. Dieu, il est tunahitaji. Arrêtez avec les imaginations. Musimamishe mambo mafikiri. Mettez la foi en action. Utumikishe imani. Mettez la foi. Utumikishe imani. Imani. Regardez cette femme aussi. Tazameni mwanamke naye. Dans des rois. Mwafalme wa pili. Oh. On peut lire beaucoup de choses. Dans des rois chapitre 4. Wafalme wa pili sura ya 4. Une femme verset 1. Mstari ya kwanza. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant. Mwanamke mmoja katikati ya wabinti wanabii akamwambia Elisha. Ton serviteur mon mari est mort. Mtumishi wako bwana yangu alikufa. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Na unajua sema mtumishi wako alikuwa na ugonjwa. Oh, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Japo ule nalikopa deni alikuwa kuchukua watoto yake na kuwafanya kwamba tumwa yake. Elisha lui dit. Elisha akamwambia. Que puis-je faire pour toi? Sasa mimi nikufanyie nini? Dada. Sir, ndugu, mon frère, que voulez-vous qu'on fasse pour vous? Unapenda bakufanie nini? Que puis-je faire pour toi? Nikufanie nini? Dis-moi. Uniambie. Kati à la maison. Uko na nini kumlango? Elle répondit. Akajibu. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Kijakazi wako hana na kitu kunyumba. Qu'un vase d'huile. Isipokuwa tu kachupa ya mafuta. Et il dit. Na akamwambia. Va demander au dehors des vases. Wende wombe inje ma vyombo. Chez tous tes voisins. Baba jirani yako bote. Des vases vides. Ma vyombo vyasipo kitu. Eh? Na? N'en demande pas un petit nombre. Usilombe bya kiloko. Est-ce que vous comprenez? Et tu m'aelewa? Vous n'avez pas compris. Amuya elewa. Si vous comprenez, il faut dire amen fort. Kama mukielewa mutasema mina na nguvu. Je n'ai pas entendu. Siasikia. Va demander au dehors des vases. Wende ombe inje vyombo. Chez tous tes voisins. Baba jirani yako yote. Des vases vides. Ma vyombo yasipo kitu. Et n'en demande pas un petit nombre. Na usiviombe vya kidogo hapana. Ne demandez pas un petit nombre. Usiombe vya kidogo. Ne me demandez pas les petites choses. Usiombe vitu kidogo. Les grandes choses. Omba vitu vikubwa vikubwa. Sont faciles à recevoir. Viku jepesi kupokea. Comme les petites choses. Sawa vitu vya kidogo. Quand tu pries, ce n'est pas toi qui va te répondre. Wakati ile unaomba aina wewe utajijibia. Ce n'est pas moi qui va te répondre. Ana mimi nitakujibia. C'est Dieu. Ni Mungu. Le Dieu infini. Mungu asipo mipaka. Le Dieu illimité. Mungu asipo mipaka. Le Dieu souverain. Mungu wa utawalo. C'est lui qui va te répondre. Yeye ndio atakujibia. Et si tu es convaincu. Na kama kuna hakikisho. C'est Dieu qui va me répondre. Na kwamba ni Mungu atanijibia. Omba biote. Demande tout ce que tu veux. Omba ile yote unahitaji. Si tu crois. Kama ukiamini. Tu verras. Utaona. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Wakati utarudia utajifungia mlango na watoto. Tu verras dans tous ces vases. Utaanza punguzia mwele vyombo. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Utaweka pembeni bile vitayana. Alors, basi, elle le quitta. Elle quitta les prophètes. Elle ferma la porte et cirait les six les enfants. Il lui présentait le vase. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'Allah le rapportait à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Na ulipe madeni yako. Na tu vivras. Utaishi. Toi. Weye. Et tes fils. Na matoto yako. Et ceux qui resteront. Na ile yote takubakiria. Entrez dans l'ambiance maintenant. Mwingie sasa mwimambo. Soyez maintenant convaincus. Le problème était arrivé. Mambo ilifika. Une veuve. Mouyane. Le mari l'a laissé avec des problèmes. Bwana alimwacha madeni. Des dettes. Mandeni. Et on a ravi des enfants. Na bana munyanganya batoto yake bawili. Elle a regardé. Akangalia. Chez le roi. Kwa mfalme. Il n'y a pas de solution. Hakuna jibu. Chez le gouverneur. Waliwali. Il n'y a pas de solution. Hakuna jibu. Est-ce qu'il faut que j'aille me battre? Eti napashi nikakombane. Que j'aille l'attaquer. Nikamkombanisha. Dans ses muscles. Mui nguvu. Il n'y avait pas de solution. Hamuna kitu. Que je fasse quoi? Nifanye nini basi? Que j'aille coucher avec les créanciers pour libérer mes Yende enfants. Kufanya busharati na ulo andeni. Il n'y avait pas de solution. Batoto. Hakuna jibu. Je me tourne vers Dieu. Namugeukia tu Mungu. Il a la solution. Eko na jibu. Il est capable. Eko na uwezo. Elle s'est tournée vers Dieu. Ari mugeukia Mungu. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Alienda kuona mtumishi wa Mungu. J'ai un problème. Niko na mambo. Tu as un problème. Una mambo. Il y a quoi? Ni nini? Il explique. Akamfasilia. Ah, ça c'est un petit problème. Ile ni mambo kidogo ile. Il y a quoi à la maison? Una nini kunyumba? Une bouteille d'huile. Niko tuna kanchupa ya Une bouteille. Mafuta, chupa. Oh, ne t'en fais pas. Ah, ushangaike. Va chez les voisins. Wende kubajirani. Demandez des vases. Walombe ma vyombo vinene. Maintenant, comme tu parles, demandez les vases. Ile unaenda kuomba vyombo. Ne raisonne pas. Ushifikili. Ne va pas là-bas en demandant un petit nombre. Ushende kulomba vya kiloko. Ne va pas demander un petit nombre. Ushende kulomba vya kiloko. Va chez les voisins. Wende kubajirani. Prenez des vases de... Beba vyombo vya mingi. Toi tu vas me dire si c'était moi. Utaniambia kama ingekuwa mimi. J'allais demander les filles, les politanques. Mantanki minene. Cette femme quand elle marchait. Ule mwanamke wakati alikuwa naenda. Chez les bandes de douille. Donnez les filles. Akuzisha. Ulete mantuku. Donnez les filles. Ulete mantuku kwa depo. Wanampa mantuku. Mama yakwa. Mama ni nini? Donnez, je vais amener de l'huile. Unipe mbele mantuku ntamiletea mafuta. Tu as des palmiers? Huku na mingazi? Non. Hapana. Tu as des plantations? Huku na mashamba mingazi? Hapana. Tu es devenu commerçant? Unakuwa mfanya biashara? Non. Hapana. Nena kwa? Sasa utapata mafuta wapi? Tu cherches quoi? Unatafuta nini? Est-ce que tu es normal toi? Eti huku tu msawa wewe. Vous donnez seulement les. Mwenye munipatie tu vyombo. Ma sœur. Dada yangu. Mon frère. Nduku yangu. Ne venez pas avec des vases pleins dans la présence de Dieu. Usikuwe na vyombo vyenye kuyana muwepo wa Mungu hapana. Demandez avec les vases, venez avec les vases vides. Uje na vyombo vya wazi vyasipo kitu. Peu importe le nombre de vases. Aizuru bwingi wapi bwingi. Lui le présente. Wewe ukuje mafuta yako tayari. Mungu yuko tayari. Haleluya. Mungu yuko anatenda. Amina. Et la récupérer. Na alichukua. Et maintenant, sasa, Dieu au ciel, Mungu kumbingu, il regardait l'huile, il regardait les vases, anangalia na vyombo, Dieu multipliait. Mungu anajumlisha. Donnez les bidons, élevés. Mulete ma bidon. Donnez les politans. Mulete ma tanki minene. Donnez les filles. Mulete mantuku. Donnez les bidons. Mulete ma bidon. Donnez les tanks. Mulete mantanki. Mulete. Donnez l'enfant qui peut même les basser. Mutoto analeta na ma beseni. Donnez les casseroles. Mulete ma vyombo. Donnez même les gobelets. Mulete na mankapo. Donnez les verres. Mulete na mabe. Mulete ma. Ma mulete. Mulete. Donnez. Mulete. Donnez. Mulete. Elle veut. Donnez. Ama punguza, na punguza, na punguza. Les enfants étaient en mouvement. Matoto walikuwa mweka. Ils passaient dans la cuisine. Ils passaient dans les dépôts. Ils prennent ma dépôt. Donnez les vases. Mulete vyombo. Ils partent chez les voisins. Ils prennent. Donnez. Donnez. Mulete. Mulete. Donnez. Mulete vyombo. Comme elle ne cessait de demander. Sasa ile asikwache kuomba. Frère. Nduku. Elle demandait. Alikuwa naomba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez monter? Est-ce que vous pouvez monter? Est-ce que vous pouvez monter? Amen. comme il est nécessaire de demander, l'état arriva où il dit, donnez le vase. L'enfant regarde. Maman, maman, dans ta chambre c'est vide. Mchumba yako muna tena kitu. Dans la cuisine c'est vide. Mumpishi amuna. Dans les dépôts c'est vide. Mudepo vyote bina manika. Dans le salon c'est vide. Musalo amuna kitu. Il n'y a plus de vase. Amuna tena vyombo. Tout est plein maintenant. Vyote bina yala sasa. Dieu regarde, ça va c'est plein. Ah, inayala. Vous n'avez plus de vase. Amuna tena vyombo. Il n'y a plus de vase. Amuna tena. Vous n'avez plus de vase. Amuna tena na vyombo. Dieu stoppe les robinets. Mungu anafunga robinet. Le même Dieu ce matin, il demande le vase. Anaomba vyombo. Amenez le vase vide. Mulete vyombo vya wazi. Amenez le vase vide. Mulete vyombo vya sipokuwa na kitu. C'est l'homme qui est vide. Ni nafsi yenye kwa wazi. Il va remplir du Saint-Esprit. Atajaza mwana Roho Mtakatifu. C'est le cœur qui est vide. Moyo yenye kwa wazi. Le cœur va devenir le dépôt de la parole. Moyo itakuwa moyo yenye kwa wazi. Déchiré par les maladies, les problèmes. Kwa na magonjwa na mambo. Il va comblé. Atajaza. Timange kwa. Unakosa nini? La dot, mali pour te marier. Dieu kuoa. Il va donner. Atakupatia. Simange kwa kesi kutera. Ni nini na kuzuru? Uso le vase vide. Jambo la hawa siviku wapi. Kesi kutera. Ni nini na kuzuru? Il va verser. Atapunguza. Quand l'huile s'est arrêtée. Wakati mafuta ilikatika. Plein de joie là. Inayala na furaha. Elle est partie chez l'homme. Akaenda kwa mtumishi wa Mungu. Alléluia pasteur. Alléluia pasteur. Shalom pasteur. Shalom pasteur. Maranatha pasteur. Maranatha pasteur. Vraiment Élisée. Hakika Elisha. Oh que Dieu te. Chantons un cantique spécial. Tu kwanza wimbo wa upekee. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas? Et yana watamani, ana watamani. Chantons un peu. Élisée était là regarde. Elisha akakuwa anamwangalia. Elle chante, elle est dans Miriam. Après avoir traversé, elle a pris les tambours. Il fallait être là pour voir. Beaucoup de gens échouent de sauter, de danser, de crier, de crier. Puisqu'ils sont liés. Mais quand vous voyez l'action de Dieu, sauter, crier, danser, louer. Elle a dit non. Serviteur de Dieu. Le mot me manque. Ici chez nous en Israël. Je n'ai pas de vocabulaire. Je cherche dans les dictionnaires. Comment parler. Est-ce que ça s'appelle miracle? Est-ce que c'est paradoxe? Je ne sais même pas. Je ce que j'ai vu. Nous avons manqué même les vases. L'huile de... maintenant chez moi là-bas, dans la cuisine c'est plein, dans la chambre c'est plein, dans la chambre des enfants c'est plein, au salon c'est plein, même dehors j'ai laissé même l'huile dans notre cour, j'ai laissé partout l'huile. L'homme de Dieu regarde, et Dieu soit loué, va maintenant, va vendre l'huile. Paye ta dette. Ulipe deni yako. Et comme Dieu a béni. Sa vile Mungu anabariki. Puisque quand Dieu est béni. Tu wakati Mungu akibariki. Regardez quand il a multiplié les pains. Wangalie wakati alijumulisha mkate. Quand Dieu est béni, les paniers restent. Wakati Mungu akibariki mabitunga tabakia. Il y a les paniers, les corbeaux qui restent pleins. Mabitunga vile bakia venye kuyana tele. Comme Dieu a béni. Vile Mungu anabariki. Les paniers sont restés. Mabitunga ilibakia. Wende uzishe mafuta. Paye ta dette. Ulipe deni yako. Toi. Oui. Et tes enfants, vous allez vivre de ce qui va rester. Mutaishi na ile tabakia. Amuta lomba tena. Vous n'allez plus mendier. Amuta omba omba tena kuwatu. Amuta laramika tena. Toi et tes enfants, vivez de ce qui va rester. Muishi na ile tabakia. Si tu veux envoyer les enfants à l'université, ukipenda kutuma watoto avec l'argent. Si tes enfants veulent se marier, donnez la dette avec l'argent. Mulipe. Mali na ile fedha wakati Mungu akibariki la coupe de bord. Ah, kikombe kiko na yana tele. Kitunga kiko unabakia tele. Croyez-vous qu'il est le même? Munaamini akwambia iko sawa sawa. Croyez-vous qu'il est capable de le faire pour vous? Munaamini akwambia iko na uwezo kufanyia hiyo leo. Soyez convaincu. Uwe na hakikisho. Et concerné. Na maneno yako. Ne le limitez pas. Usimweke mipaka. Regarde à ta situation. Angalia ku mambo yako. Regarde à ton problème. Angalia mambo yako. Mais alakini, ne reste pas en regardant. Usibakie tu mwenye kuangalia bure. Tourne le regard maintenant. Geuza macho yako sasa. Regarde à Dieu. Muangalie sasa Mungu. Regarde à sa puissance. Angalia ku uwezo yake. Regarde à sa manifestation. Angalia ku kuonekana kwake. Angalia ku kutukia. Regarde à son pouvoir. Angalia ku uwezo yake. Umuite. À la scène. Mukibeka. Il agira. Atatenu. Il va te relever. Atakula il va te bénir. Atakubariki. Il va te guérir. Atakuponya. Il va te remplir du Saint-Esprit. Ne venez pas avec les vases pleins. Usikuje na vyombo ya kuyala. Comme cette femme-là. Elle a cherché les vases. Elle n'a plus trouvé. Comme Israël. Elle a cherché les ennemis. Elle a cherché Pharaon. Pharaon. Elle a cherché les cavaliers. Elle a cherché les cas. Ils n'ont pas trouvé. Vous aussi. Vous qui croyez. Vous qui êtes dans sa présence ce matin. Vous allez chercher les problèmes. Vous allez chercher les maladies. Vous allez chercher ce qui vous dérange. Vous cherchez les vases. Il n'y en a plus. Na kotena inayala inayala ni bana ubariki na unasaidiwa seledi angino kwayo jo Mungu mwenyewe tunaamini pase dada yangu tu sufre unateseka 3 ans seulement miaka 3 tu tina pas d'enfant tina pas una mtoto au yapata mimba ni te derange pas usihuzunike. Dans la Bible, il y en a qui ont fait 60. Une Bible qui va les faire faire mieux comme une cita. Sans concevoir. Bila kupata mimba. Mais Dieu, Mungu, même ata, avant de donner la possibilité à Sarah de concevoir. Bele ya kumpatia namna Sarah ya kupata mimba. Il a rajeuni. Ari mufanya kwa kijana. Il a transformé. Ari mubadirisha. Il a réparé. Ari mutengeneza. Il est réparateur de brèches. Juye njoko na tengeneza milango. Et quand elle l'a rajeuni. Wakati ari mufanya kwa kijana. Il a permis aucun roi de la toucher. Achigurusu mufame kumugusa. Personne ne pouvait plus toucher à Sarah. Hakuna ule aliweza kumugusa. Abraham. Isipo kwa Ibrahimu. Dieu l'a protégé. Mungu ari mulinda. Il a conçu. Na alipata mimba. Regardez Israël, c'est tout un pays. Tazameni Israël ni nchi mzima. Sorti. Ile ilitokea. Entra et dit une femme stérile. Mutumbo ya mwanamke tasa. Quand on lit Israël, c'est wakati hapa tunasoma Israël. Bali toka mutumbo ya Sarah. Juu Mungu alilaka. Église, kanisa, comprenez ces choses. Mwelewe maneno haya. Je vous laisse voir quelque chose. Mina miache muone kitu kimoja. Quand Dieu était chez Abraham. Wakati Mungu alienda kwa Abraham. Il mange. Anakula. Il donne maintenant la promesse. Hata anampatia malako. Où est Sarah ta femme? Sarah bibi yako iko wapi? Derrière toi, Seigneur. Eko kumukongo yako Bwana. Ça va, je reviendrai. Mzuri ntarudiaka. Elle aura un fils. Atapata mtoto mwanaume. Sara là-bas. Sara kule. Anacheka. Vraiment, vraiment. Atika, vraiment. Les autres visiteurs ici. Bakeni bengine na wamba. Mie nizale tena. Mais Dieu ne s'adressait pas à Sarah. Mungu ashikwanze mwambia Sarah. Il s'est adressé à Abraham. Anaanza kumwambia ni Abraham. Et il a dit à Abraham que c'est Sarah. Atamwambia Abraham c'est pas Sarah que tu auras une. Ni kupitia Sarah njoo utapata mtoto. Maintenant, comme Dieu. Sasa sa vile Mungu. Sonde le cœur. Eo unachunguza mioyo. Il attaque Abraham. Akamuuliza Abraham. Pourquoi Sarah a douté? Jua nini Sarah anashakia? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être impossible à moi Dieu? Etu kitu yasipowezekana kwa mimi Mungu? Moi je parle et mimi niko nasema yeye kuna shakia kule. Moi je parle. Mimi niko nasema yeye kuna shakia. Pourquoi elle peut douter? Jani na shakia. Abraham n'a pas encore ouvert la bouche pour se défendre. Abraham yeye alokujibu. Sarah se lève. Sarah yeye mnyana anamuka. Seigneur. Bwana. Je ne pari. Mimi sikucheke. Sarah tiari. Sarah ulicheka. Je ne pari. Sikucheke. Tu as douté. Ulishakia. En tout cas, vraiment. Hakika tu kweli. Ne me cherche pas les problèmes avec mon mari. Tafute mambo na bwana yangu. Je ne pari. Mimi sikucheke. Dieu, Mungu, il est entré dans la colère. Aliingia mkasirani. Mais dans sa colère, alakini mkasirani yake mule, il se réfère toujours à sa parole. Anarudia kuneno lake. Dieu devrait détruire Sarah. Mungu angemwaribu Sarah pale pale. Il regarde Abraham. Na akamwangalia Abraham. J'ai déjà dit que tu auras un fils. Nile shakwambia sema utazala mtoto. Et il aura par Sarah. Na utampata kupitia Sarah. Si je détruis Sarah. Kama nikimwaribu Sarah. La promesse n'aura plus. Malako yangu haitafanika. Mais là pour assurer la promesse. Je kuhakikisha malako yangu. Dieu a donné le pardon. Mungu anamhurumia. Lisez toute la Bible. Nous sommes Biblia mzima. Sarah n'a pas demandé pardon. Sarah chikulombake buluma. dossier classé sans suite. Dossier banayacha. Il y a d'autres dossiers au parquet sans suite. Vous m'avez dossier engagé au parquet, banayacha, yacha, banayacha. À cause de quoi? À cause de la promesse. Dieu a malaco. Car une parole sort de la bouche de Dieu. Vous savez qui toque à mon kinyo amour. Frère, accrochez-vous-y. Duku ambatane na ile. Ça arrivera. Il t'affiche. Dieu regarde la promesse. Mungu anangaria malako yake. C'est la promesse de Dieu qui fait notre force. Ni malako ya Mungu ndio inafanya nguvu yetu. Même si tu as péché. Hata kama ulitenda dhambi. Regardez la promesse. Angalia kumalako. Yeza Dieu. Huyo kwa Mungu. Il te recevra. Atakupokea. Il te pardonnera. Atakusamehe. Et même il t'a garanti. Na tena anapatia kikisho. Il a dit ceci. Alisema hivi. Si ton cœur, kama moyo wako, devient dur comme le roc, inakuwa nguvu sawa mwamba, je prends ma parole, nachukua neno langu, je la rend plus dur, naifanya nguvu zaidi que le marteau, kushindia nyundo. Na kai la envoie sa parole, wakati anatuma neno lake pa ile moyo, inapika nyundo, sando, inabobola, ça brise la pierre, inapasula ile jiwe. Et il a dit, na alisema, j'ôterai, taondosha ton cœur, moyo wako, des pierres, wa maibwe, je te donnerai, takupatia, un cœur, moyo, nouveau, mupia, un esprit, na roho, nouveau, mupia, un cœur, moyo, de la chair, ya mnofu, là où la parole peut pénétrer, neno la Mungu naweza kuingia, na kupata fazi. Soyez convaincus, uwe na hakikisho. Venez à Dieu. Muje kwa Mungu. Ne doutez pas. Mushishakie. Ne cachez rien. Usifiche kitu. Ne cache pas à Dieu aucune maladie. Usimufiche Mungu magonjwa hata moja. Ne cache pas aucun problème. Usimufiche mambo hata moja. Que ton problème soit petit. Mambo yako ikuwe mdogo wala mkubwa. Ne cache pas. Usifiche. Il est capable. Yeye kuna uwezo. Amen. Amina. Verset 17 de 2 Rois 4. Mstari wa 17. Cette femme devait enceinte. Oui, mwanamke akachukua mimba. Elle enfanta un fils à la même époque. Akazala mtoto wakati moja moja. L'année suivante. Ile mwaka ilikuja. Comme Élisée le lui avait. Paka vile Elisha alimulaka. L'enfant grandit. Mtoto akakomala. Un jour. Siku moja. Il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Alienda angara baba yake kule wavunaji. Il dit à son père. Akamwambia baba yake. Matete. Kichwa naliluma. Matete. Kichwa naluma. Le père dit à son serviteur. Baba akamwambia mtumishi wake. Porte-le à sa mère. Umupeleke kwa mamake. C'est ça l'habitude des hommes. Hein? Quand tout va bien, ils sont avec les enfants. Mais quand tout va mal, ils envoient les enfants à leur mère. Posez-les à la mère. Kwa mama yake. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère. Ya mama yake. Jusqu'à midi. Kufika no midi. Puis, kisha, il mourit. Ule mtoto akakufa. Vous comprenez? Munaelewa. Elle monta. Akapanda. La femme monta. Ule mwanamke akapanda. Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Akamulalisha pa kitanda ya mtumishi wa Mungu. Là où l'homme de Dieu dormait. Pale mtumishi wa Mungu alikuwa analala. Ferma la porte sur lui. Akamfungia mlango. Et sortit. Na kisha akatoka. Elle appela son mari et dit. Akaita bwana yake na kusema. Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Unitumie kwa mtumishi moya na punda moya. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Taenda mbio kumuona mtumishi wa Mungu kisha ntarudia. Elle dit pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Akamuuliza jia nini unapenda kwenda leo wetu? Ce n'est ni la nouvelle lune. Aina wala mwezi mpya. Ni le sabbat. Wala sabato. Elle répondit. Akajibu. Tout va bien. Hakuna shaka. En réalité, tout allait mal. Akika, abikuwa mzuri. Mais cette femme, alakini mwanamke, ne se limitait pas à ce que les yeux voyaient. Asikusimamie pa ile macho kunaona. Elle était convaincue. Alikuwa na hakikisho. Que tout ira bien. Ya kwamba vitakuwa sawa. Elle répondit. Akajibu. Tout va bien. Hakuna sababu. Elle a dit à son mari, tout va bien. Akamwambia tuko msalama. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur. Kisha akatayarisha punda na kumwambia mtumishi wake. Men! Twende. Et part. na utwende. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Usinishimamishe munjia kama si ya kuambia. Si c'était les voitures d'aujourd'hui. Kama ilikuwa ni gari leo. Le serviteur allait rouler à 140 par heure. Tumisha arpashu kimbia mbio sana 140 à l'heure. Sera écouté. Sasa msikie. Elle est partie donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'a aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur. Voici cette tsunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre. Et dis-lui, te portes-tu bien? Eti, salama. Ton mari et ton enfant se portent-tu bien? Yako, na batoto yako, salama. Elle répondit bien. Akajibu, tuku musalama. Frère, Duku. Est-ce que vous écoutez? Eti, munasikia. L'enfant mort. Mutoto mwenye kufa. Elle l'a laissé dans la maison. Anesho mwacha munyumba. Est-ce que l'enfant se porte bien? Eti, mutoto yako musalama. Oui, bien. Ndio yako musalama. Tout va bien. Tukumusalama. Ton mari va bien. Bwana yako yuko msalama. Ndio yuko msalama. Toi aussi tu vas bien. Na wewe mwenyewe msalama. Ndio niko msalama. Un chrétien n'est pas plaintif. Mkristo ana wa kuililia lilia. Quand tu es plaintif, contrôle bien tes expériences. Wakati unajililia lilia, uchunguze maonjo yako mzuri. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Kisha kufika pa mlima palikuwa mtumishi wa Mungu akakumbatia miguu zake. Je vais m'arrêter un peu pour vous montrer quelque chose. Tasimama kwanza juu nimeoneshe kitu kimoja. L'homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, a envoyé Géasi le diacre. Alituma Géasi shemashi. Va demander à cette femme. Wende ulize le mwanamke. Est-ce que tout va bien? Ete yuko msalama? Elle dit tout va bien. Akasema ndio tuko msalama. Ma sœur, dada yangu, mon frère, nduku yangu. Il y a des problèmes qui ne font pas raconter à tout le monde. Kuku maneno ingine haipashi kumwambia mtu wote. Dieu nous a établi des serviteurs. Mungu alituwekea batumishi. Qui sont capables. Wale beko na uwezo. D'apprendre nos situations. Ya kuchugua mamambo zetu. Et nous supporter. Na kutuvumilia. Et nous aimer. Na kutupenda. Et nous aider. Na kutusaidia. Remarquez même si tu fais quoi que ce soit. Tazameni hata kama ukifanya izuru nini. Le pasteur ne va jamais te critiquer. Pasteur hawezi kubeula. Ni de hai. Wala kuchukia. Ili continue à t'aimer. Anaendelea kupenda. Mais il y a un frère qui peut apprendre. Lakini ndugu mwingine anaweza kupata habari ile unamalizika. Na kanti le salimi. Hata ukimsalimia hawezi kujibia. Est-ce que vous saisissez? Eti mnafuata. Est-ce que vous saisissez? Munanifuata. Et puis les hommes de Dieu sont là pour gémir avec nous. Prier pour nous. Nous aider avec la parole. Nous garder dans la volonté de Dieu. Dans la foi. Katika imani, katika mapenzi ya Mungu. Ne raconte pas tes problèmes à tout le monde. Usiambie mambo yako kwa mtu wote wote. Raconte tes problèmes à Dieu. Ambia mambo yako paka Mungu. Na kwa batumishi yake. Elle est partie. Alienda zake. Dès qu'elle fit arriver auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Kisha kufika mbele ya mtumishi wa Mungu kumulima akakumbatia miguu zake. Géasi s'approcha pour la repousser. Géasi akafika juu apate kumuondosha. Mais l'homme de Dieu dit. Lakini mtumishi wa Mungu akasema. Laisse-la. Umwache. Ne la repousse pas. Usimutoshe. Car. Kwani? Son âme est dans l'amertume. Moyo wake kukatika uchungu. C'était un prophète, il pouvait voir. Alikuwa ni nabii, aliona. Son âme est dans l'amertume. Nafsi yake kukatika uchungu. Son âme est dans l'amertume. Nafsi yake kuna uchungu. Et l'Éternel me l'a caché. Na wamilela ananificha hayo. Et ne me l'a point fait connaître. Asinijulishe hiyo. Alors elle dit. Kisha yeye mwanamke akasema la profondeur. Upana. Appelle. Kunaita la profondeur. Upana ingine. Quand l'homme de Dieu dit, son âme est dans la merde. Moyo wake kuna uchungu. Elle ouvrit maintenant la bouche. Sasa ndio akamfungulia kinywa. Alors elle dit. Kisha akasema. Alors elle dit. Akasema. Et je demandais un fils à mon Seigneur. Eti, bwana wangu nalikuomba mtoto. N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Si nilikuambia sema usinidanganye. Élisée dit à Géasi. Elisha akamwambia Géasi. Un terrain. Ufunge kiuno yako. Prends mon bateau dans ta main. Uchukue bakora yangu mkono yako. Et pars. Na uende. Si tu rencontres quelqu'un. Ukikutana na mtu. Ne le salis pas. Usimusalimie. Et si quelqu'un te salit. Kama mtu akikusalimu. Ne lui réponds pas. Usimujibie. Tu mettras mon bateau sur le visage de l'enfant. Utaweka bakora yuli ya uso mtoto. La mère de l'enfant. Mtoto, mama wa mtoto akasema, l'éternel est vivant. Wa milele mzima. Et ton âme est vivant. Na nafsi yako iko mzima. Je ne te quitterai point. Nishi tatoka hapa. Et il se leva et l'a suivi. Na akaamuka na kumfuata. Toi tu as voix de Yazi. Wewe tu mageazi. C'est bon. Ni mzuri. Qu'il parte. Aende. Mais moi. Mais mie. Je n'ai pas suivi Yazi. Si tu mfuata Yazi. Je ne suis pas venu chercher Yazi. Tu veux kutafuta Yazi. Nilikuwa kutafuta ni wewe. Te quitterai pas. Si tu kuacha kamwe. Je suis la bien vivante. Ni kupaka hapa Mungu ni mzima. Ton âme est vivante. Nafsi yako nayo ni mzima. Donc n'alla pas. C'est-à-dire, je dis, je ne te quitterai pas. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que j'expérimente ton Dieu que tu sais. Je reste là. Patiente. Que Géasi parte. Géasi, qu'il rentre nous donner les rapports. À moins que tu quittes ici, alors on va partir ensemble. C'est pourquoi vous toquez après nous, tu t'en pas moi. Vous voyez. Élisée a regardé et dit, Seigneur, tu me mets dans les problèmes. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, agis. Même si Élisée était le serviteur le plus hypocrite sur la terre. Atakama Elisha alikuwa mtumishi mnafiki wa padunia. Dieu devrait répondre à cause de la foi de cette femme. Mungu alifasha mujibia kwa ajili ya imani ya yule mwanamke. Cette femme était convaincue. Yule mwanamke alikuwa na hakika. Si tu arrives chez moi. Kama wewe ukifika tu kwangu. Dae regarder son action. Sasa tazameni kutenda kwa. Kama mwuri. Wakati mtoto alikufa. Ile mwanamke dans sa chambre. Asikumpeleke mchumba yake wala mchumba wa mtoto. Ndani ya chambre de l'homme. Lakini mchumba ya mtumishi wa Mungu. Mwishane kule. Vous en finir vous-même là-bas. Oui, na mtoto limpatia. Mwisha ni. Et l'enfant que tu m'as donné, vous allez vous-même à. Quand je lui ombre, moi je t'avais dit prié. Je suis bien. Monsieur Kwambia, et toi tu as regardé, tu dis tu auras un. On angaria si mota kwa na mtoto. Tu as prié. Mwisha na fils, tu auras un. En finir avec cet enfant que tu m'as promis. J'aime ça. Mi napenda hii. J'aime ça. Naipenda. Il faut arriver à ce stade. Inapaswa kufika mwile kimo. Il faut arriver à ce stade. Il n'a pas suffiqué, moi, il est qui, moi. Écoutez maintenant. Je vais vous ça. Géasi, verset 31. Géasi les avait devancés. Géasi a dit, il avait mis les bateaux sur le visage de l'enfant. Mais, alakini, il n'y voit. Akukwe wala sauti, ni signe d'attention. Wala alama fulani. Il s'est retourné à la rencontre d'Élisée. Akarudia na kutanisha na Elisha. Et il rapporta la chose en disant. Na kumpatia ripoti na kusema. L'enfant ne s'est pas réveillé. Mtoto ashilamuke. Lorsque Élisée arriva dans la maison. Wakati Elisha alifika mchumba. Voici l'enfant était mort. Tazama mtoto alikuwa anaisha kufa. Couché. Mwenye kulala. Si son lit. Pakitanda yake. Élisée entra. Elisha akaingia la porte sur ED. Akalifungia mlango ule mbili akaomba wa milele. Il monta et se coucha sur l'enfant. Akapanda na kulalia pa mtoto. Il mit sa main sur sa bouche. Akaweka kinywa yake pa kinywa, macho pa macho yake, mikulu yake pa mikulu yake. Et tandis sur lui. Akanyoloka yule ya mtoto. La chair de l'enfant. Na se réchauffa. Na mwili ya mtoto ikakuwa na moto. Hallelujah! Amen. Nous n'avons plus besoin d'Élisée sur nous. Atuitaji tena ba Elisha yulu yetu. Nous avons besoin de Jésus sur nous. Tunahitaji Yesu yulu yetu. Nous avons besoin de Dieu d'Élisée sur nous. Tunahitaji Mungu wa Elisha yulu yetu. Notre corps va se réchauffer. Na mwili yetu itakuwa na moto. Élisée, Elisha s'éloigna. akaondoka alasa ela par la maison akaenda ukunda kule mule mtumba puis monter ses tendis sur l'enfant kisha kapanda tena kunyoloka yule ya mtoto et l'enfant éternua sept fois na mtoto akachemuka mara saba et il ouvrit les yeux akafungula macho Élisée appela Gehazi et dit Elisha kaita Gehazi na kusema appelle cette tsunami uite ule mwanamke msimama Gehazi l'appela Gehazi akamuita élevé vers Élisée qui dit akakuja mbele Elisha na kusema prends ton fils beba mtoto yako. Elle alla se jeter à ses pieds. Akaenda kujitupa kumikulu yake. Se posa contre terre. Na kuinama chini. Son fils. Akachukua mtoto yake. Et sorti. Na kisha akatoka. Là nous avons vu. Hapa tuliona. Les prophètes. Nabii. Convaincus. Mwenye kuwa na hakikisho. Les prophètes. Manabii. Convaincus. Mwenye kuwa na hakikisho. Et concerné. Na ile mambo ni yabo. Dieu ne faisait pas ces choses avec les prophètes seulement. Mungu asikuwa anafanya maneno haya paka na manabii tu. Acte matendo ya mitume acte des apôtres matendo ya wa mitume acte des apôtres matendo ya wa mitume chapitre 5 sura yake ya 5 verset 12 mstari ya 12 beaucoup de miracles mamiujiza mingi et de prodiges na maishara se faisait au milieu du peuple. Ilikuwa nafanyika katikati ya taifa. Par les mains des apôtres. Kupitia mikono ya mitume. Ils se tenaient tous ensemble. Balikuwa navishika bote pamoja. Au portique de Salomon. Mlango ya Salomono. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Na hakuna hata mmoja alijiunga kwao. Mais le peuple le louait hautement. Lakini watu walikuwa na wasifu. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur. Uwingi ya wale walimuamini Bwana. Homme et femme. Wanawake na wanaume. S'augmentaient de plus en plus. Ilikuwa naongezeka zaidi. En sorte mukimu wa kusema qu'on apportait les malades barikuwa naleta bagonjwa dans les rues mu mabalabala et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes na barikuwa na baweka pa vitanda na bambenye kulala afin que ili lorsque Pierre passerait wakati le Petro atapita son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux kimvuri tu ya Petro ifunike mmoja bagonjwa. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Batu mingi baliyala bakutoke miji ya pembeni ya Jerusalem. Baleta bagonjo. Et déjà tourmenté par des esprits impies. Na bantu baliko benye kuangaishwa na mapepo uchafu. Na bote. Et tous bote étaient guéris. Bali tunzo bali pona. Et tous bote bote étaient bali pona. Bali tunzo. Vous voyez ces choses? Munaona maneno haya. Les gens batu est totalement convaincu. Barikuwa na hakikisho sana que Pierre était serviteur de Dieu. Ya kwamba Petro alikuwa mtumishi wa Mungu. Et comme ils étaient convaincus. Sa vile barikuwa na hakikisho. Pierre aussi. Petro naye était convaincu. Alikuwa na hakikisho. Et la profondeur appelait la profondeur. Na upana ilikuwa naita upana ingine. Les gens couraient. Batu barikuwa natoka huku na kule. Ils prenaient les malades et les mettaient sur les brancards. Barichukua bagonja na kuwaweka pa mavitanda. Et il disait Pierre va passer. Barikuwa nasema Petro atapitia hapa. Vous voyez? Munaona? Pierre va passer. Petro atapitia hapa. Il mettait maintenant les malades. Baritandika bagonjwa. L'ombre de Pierre ici. Chimvuru cha Petro kitapitia hapa. Il met les malades ici. Anaweka mgonjwa huku na kule. Quand il va passer. Wakati atapita. L'ombre va commencer à toucher. Chimvuru kitaanza kubagusa. Frère, duku, ce n'était pas de théâtre. Aikwe michezo, ni de fanatisme. Wala upendeleo, c'était de réalité. Ilikuwa ni mambo ya kweli. Et quand Pierre passait comme ça, wakati Petro alikuwa anapita, l'ombre couvrait les malades. Kimvuri ilikuwa nafunika bagonjwa. Et quelqu'un qui était ule alikuwa tu mwenye l'ombre touche. Kimvuri namgusa na lamuka. Anasimama anaanza na kutembea. Complètement guéri. Anapona pale pale kabisa. Complètement. Kabisa kabisa. L'ombre seulement frère. Kimvuri tu. Ici comme nous passons. Pake l'ombre napita. Touche les malades. Kimvuri nagusa bagonjwa. Amen. L'ombre touche les malades. Kimvuri ilikuwa nagusa bagonjwa. Il était guéri. Na bagonjwa barikuwa natunzwa. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Yesu Kristo ni sawa sawa jana leo na milele. Il a utilisé Pierre. Kama alimtumia Petro. Nous. Sisi. Qui sommes édifiés. Benye kujengwa. Sur le fondement. Yulu ya msingi. Des apôtres. Ya mitume. Et des prophètes. Na ya manabii. Les mêmes choses. Vitu moya moya. Vous allez savoir. Inapasha onekana. Katikati yetu. Il n'était pas déçu. Aba kukosewa pana. Quand vous mettez votre confiance en Dieu. Wakati unamtumainia Mungu. Hawezi kama ukukosea. Même ce matin, Dieu ne va pas vous décevoir. Vous êtes convaincus? Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, arrange ta lampe. Arrange-toi seulement. S'il y a quelque chose qui te condamne, si tu as la haine contre quelqu'un, enlevez la paix. Aujourd'hui, pas demain, ça va entrer. Est-ce que Jésus est le même? Peut dire comme Josué disait. Comme Gédéon aussi disait. Nous avons entendu ce que tu as dit. Tu l'as dit à Vile Olisema. Nous sommes les mêmes. Tes prodiges doivent être les mêmes. Actes des apôtres chapitre 9. Matendo mitume kumi sura 9. Verset 31. Mstari makumi tatu na moja. L'église était en paix. Kanisa ilikuwa musalama. Dans toute la Judée. Muyudea muzima. Frère, nduku, mettez cette église en paix. Muweke ikanisa musalama. Sœur, dada, mettez cette église en paix. Muweke ikanisa musalama. Ne cherche pas de problème. Usitafute masababu. Même si les problèmes surgissent. Hata kama mambo kitokelea. Arrangez-les. Muitengeneze. Ne soyez pas conflictuel. Ne haïssez aucun frère. Ne haïssez aucune sœur. Ne critiquez aucune sœur. N'écoutez pas de ragots contre une sœur. Mettez l'église en paix. Partout il y a des troubles. Vous êtes témoin. Quand vous allez au travail, il y a des secousses. Quand vous rentrez à la maison, des difficultés. Maintenant ici c'est le lieu d'adoration. Il ne faut pas qu'il y ait des troubles dans les maisons, dans les familles, dans les foyers, au travail, et ici aussi. Ici c'est un lieu d'adoration. Un lieu d'adoration. Hii ni fazi ya kuabudu. Un lieu où nous venons parler à Dieu. Fazi ile tunakuwa kuongea na Mungu. Un lieu de ça nous parler. Na Mungu naye anashuka kutuambia. Mettez l'église en paix. Mwache kanisa msalama. Diacre. Shemashi. Mettez l'église en paix. Mwache kanisa msalama. Administrateur. Muzamini. Mettez l'église en paix. Mwache kanisa msalama. Ancien. Mzee. Mettez l'église en paix. Mwache kanisa msalama. Qui est la paix ici? Kuwe salama hapa. Même s'il y avait des difficultés. Hata kama kulikuwa magumu. On va revenir sur cette écriture. Tarudira pa hii andiko. Ah, j'aime les. La Bible. Napenda sana Biblia. Vous aimez aussi la Bible. Namu munapenda Biblia. Écoutez-moi. Sikilizeni kwanza. Écoutez-moi. Msikilize. De Corinthiens. Wa Korinto wa pili. De Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Chapitre 5. Sura ya 5. Verset 14. Mstari wa 14. Car l'amour de Christ nous presse. Kwani mapendo ya Kristo yanatusonga. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous. Kwani tunajua kwamba kama mmoja alikufa juu ya bote. Tous donc sont morts. Bote basi kumbi walikufa. Êtes-vous convaincu que Jésus est mort pour tous? Eti muna hakikisha kwamba Yesu alifia bote? Donc tous les frères et toutes les sœurs sont morts. Manake banduku bote na badada bote nabo balikufa. Ils sont morts. Balikufa. Usiwaone bazambi tena, ils sont morts. Faut pas les voir, les considérer comme pécheurs, ils sont déjà morts. Amen. Amen. Et qu'il est mort pour tous. N'alifuia bote. Afin que ceux qui vivent ili benye ne vivent plus pour eux-mêmes. Bashishi kwa ajili ya bobo benyewe. Pour celui qui est mort. Alakini. Et ressuscité pour eux. Baishi kwa ajili ya ule alikufa na kufufuka juu ya bobo. Ne cherche pas à savoir si le frère vit pour celui qui est mort. Usitafute kujua kama nduku yako naishi kwa ajili ya ule alikufa. Si le frère vit pour celui qui est mort. Kama aliyeko naishi kwa ajili ya ule alikufa. Cherche à savoir si toi. Utafute kujua. Est-ce que tu vis pour Christ? Eti huku naishi kwa ajili ya Kristo. Ainsi, na kama basi, dès maintenant, tangia leo, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Atujue tena mutu kufatana na mwili. Et si nous avons connu Christ selon la chair, kama tulimujua Christ kufatana na mwili, sasa, nous ne le connaissons plus de cette manière. Atumujue tena mwile na muna. Même si tu avais connu la sœur prostituée, ata kama ulimujua kadada kwa kaaba, tu avais connu le frère bandit, nous ne le connaissons plus de cette manière. Atumujue tena mwile na muna. Nous ne les connaissons plus de cette manière. Même s'il est de votre tribu. Même si son grand-père avait tué ton grand-père. Si quelqu'un est en Christ. Kama mtu yuko ndani ya Christ, il est une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Bitu ya zamani bisha pita. Voici toutes choses. Tazama vitu vyote sasa. Sont devenues nouvelles. Vinakuwa vipya. Et tout cela. Na ile yote vient de Dieu. Inatokea kwa Mungu. Qui nous a réconciliés avec lui. Ule alitupatanisha pamoja naye. Par Christ. Kupitia Kristo. Et qui nous a donné. Na alitupatia. Le ministère. Utumishi. De la réconciliation. Ya kupatanisha. Ma sœur. Dada yangu. Le ministère que tu as. Utumishi lo kunayo. Ou bien kazi. Kazi kunayo. C'est voilà. De la réconciliation. Ni ya kupatanisha. Quand tu trouves des personnes. Ukikuta watu wa wili. Qui ne se parlaient pas. Abakwe naongea pamoja. Ils ne font pas alimenter le feu. Apana kunenepesha mambo. Réconcilie-le. Uwapatanishe. Toi qui es au milieu, patanisha avant. Il faut les réconcilier. Car Dieu Mungu était en Christ. Alikuwa ndani ya Kristo. Réconcilia le monde avec lui-même. Alikuwa anapatanisha ulimwengu pamoja naye. Bila kuhesabia makosa ya watu. Aliweka ndani yetu. La parole. Neno. De la réconciliation. Ya kupatanisha nayo. La parole qui est à nous. Neno est la parole de la réconciliation. Ni neno ya kupatanisha. Pas de juger. Apana pas de condamner. Apana pas de critiquer. Kubeula. Pas de voir les fautes. Apana ya kuna mais makosa. De réconciliation. Lakini ni ya kupatanisha. Nous faisons donc. Tuko nafanya basi. Les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Kazi ya babalozi kwa ajili ya Kristo. Comme si Dieu exhortait par nous. Na kwa sawa Mungu yuko nasubutisha kupitia neno la de Christ. Tunamisimu jina Kristo. Soyez réconciliés avec Dieu. Mupatanishwe na Mungu. Est-ce que tu es aussi ambassadeur? Eti na wewe uko babalozi? Tilea. Njo kile huko. Agis en conséquence. Utende kufatana na hiyo. Retournons là où je disais, l'église doit être en paix. Turudie pa ile fazi na alikuwa anasema. Kanisa nafasi 31. Kanisa nafasi kwa msalama. L'église est en paix. Kanisa ilikuwa msalama. Kambovu tabernacle doit être en paix. Maskani ya Kambovu nafasi kwa msalama. Et c'est toi l'acteur. Na wenjo mtenda tenda kazi. Pour que l'église soit en paix. Jua kanisa iko msalama. Christ doit être en toi. Christ anapaswa kuwa ndani yako. Christ anapaswa kuwa ndani yangu. Salama Kristo. Passe toutes choses. Ninashindia vitu vyote. Amen. Dois nous garder uni. Inapaswa kutuchunga mmoja. Benye kuungana. L'église. Kanisa. Ete en paix dans toute la Judée. Kwa msalama mujudea mzima. Mugalilaya. Et la Samaria. Na Musamaria. Sedifia. Yenye kujijenga. Et marcha dans la crainte du Seigneur. Na yenye kutembea katika woga ya Bwana. Et elle s'accroissait. Ilikuwa na komala. Par l'assistance du Saint-Esprit. Yaro mutakatifu. Vous êtes là. Muko hapo. Comme Pierre visitait tous les saints. Vile Paulo alikuwa anatembelea watakatifu bote. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Akashuka tena kwa bale barikuwa nakaa Mulide. Il y trouva un homme nommé Aimé. Alikuta mtu mmoja jina lake barikuwa namuita Ene. Couché sur un lit depuis 8 ans. Ula rilala pakitanda tangia miaka munane. Et paralytique. Na alikuwa wakupoza. Frère. Nduku. Sœur. Dada. Soyez attentif. Muteke sikio. Ne regarde pas aux années de ta paralysie. Mshangarie ku miaka ya kupoza kwako. Ne regarde pas aux années de tes problèmes et maladies. Mshangarie ku miaka ya magonjwa yako na maneno yako. Regarde à Christ. Lakini muangalie Kristo. Pierre lui dit. Petro akamwambia. Ene. Ene. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ anakuponya. Lève-toi. Amka. Et arrange ton lit. Tengeneza kitanda yako. Et aussitôt. Pale pale. Il se leva. Akalamuka. Et aussitôt, na pale pale, il s'éleva. Akalamuka. Et aussitôt, na pale pale, il s'éleva. Akalamuka. Tous les habitants de Lydde, bakaji bote ba Lydde, et du Saron le virent. Na ba Musaron bakamuona. Et ils se convertirent au Seigneur. Bakamwamini Bwana. Mena écoutez. Sasa msikilize. Il y avait à Joppe. Kule kuyope kulikuwa. Parmi les disciples, katikati ya wa mitume, une femme. mwanamke moja nommé Tabitha, jina lake Tabitha, ce qui signifie manaki Dorcas. Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, alikuwa anatenda matendo mema mingi, et de aumônes, na kutoa masadaka kwa watu. Elle tomba malade en ce temps là, aligonja mwile wakati, et mourit, na kisha akakufa. Après l'avoir lavé, kisha kumuosha, on la déposa dans une chambre haute. Bakamweka mchumba ya juu. Est-ce que vous êtes là? Eti mnafuata? On ne l'avait pas déposé dans une chambre froide. Abakamweke mfrigo hapana. Dans une chambre haute. Barumweka mchumba ya juu. Comme leader près de Jopé, sawa vile leader wa pembeni ya Jopé, les apôtres, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, wanafunzi walijua kwamba Petro alikuwa kule, envoyèrent des hommes vers lui, wakatuma watu kumuita, pour le prier de venir chez eux sans tarder, jua kumusia pate kwa kwao bila ogawia, sans tarder, bila ogawia. Pierre se leva, Petro alinamuka, et parti avec ses hommes, akaenda pamoja na wale watu. Lorsqu'il fit arriver, wakati alifika, on le conduisit dans la chambre haute, bakampeleka mwile chumba ya juu. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, wajane bote walimzunguka na kulia. Et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle, wakamuonesha makansu na mavazi ile Dorcas alivafania wakati alikuwa nabo. Petro fit sortir tout le monde, akatosha batu bote, se mit à genoux, akatwanga magoti, et pria, na kaomba. Puis kisha se tourna vers le corps, akageukia ile mwili ilikufa. Il dit, akasema, Tabitha, Tabitha, lève-toi, amka. Elle ouvrit les yeux, akafungula macho, et a vu Pierre, kisha kumona Petro, et le sasi, akekala. Il lui donna la main, akampatia mkono, et la fit lever, naye akamlamusha. Il appela ensuite les saints, akaita sasa batakatifu, et les veuves, na bayane, et la leur présenta vivante, akabaonesha aye muzima, vivante, muzima. Alléluia, amen. C'est une preuve, hii ni hakikisho, que rien ne résiste au croyant, ya kwamba kuna kinie kinashindana na baminifu. Elle est morte, alikufa. On l'a placé là-bas. Balimweka pale. Pierre. Petro. Il a d'abord prié à côté. Kwanza aliomba pembeni. Il a prié. Aliomba pembeni. Il a prié. Aliomba. Quand il s'est senti convaincu, wakati alisikia na hakikisho, hasa aligeuka. Tabitha! Tabitha! Lève-toi! Amka! Elle n'a plus prié sur elle, mais il a donné un ordre. Asikumombea lakini alileta agizo. Tabitha! Tabitha! Lève-toi! Amka! Elle s'est levée. Na yarinamuka. Elle s'est assise. Akekala. Elle a ouvert les yeux. Akafungula macho. Akamuona Petro. Amen. Pierre l'a pris. Petro akamjibu. Il a appelé tout le monde. Akaita batu bote. Elle est là. Ye uju. Amen. Soyez rassurés. Muena akikisho. Le Dieu de Pierre, Mungu wa Petro, c'est notre Dieu. Ni Mungu wetu sisi. La foi de Pierre, imani ya Petro, c'est notre foi. Jo imani yetu. Est-ce que c'est l'eau qu'il est écrit dans Jude de Troyes? Nous combattons pour la foi. Transmise au sein, une fois pour toutes. Il n'y a pas de foi. Est-ce que vous êtes là? Eti munafata? Chantons un peu. Tu imbe quoi? 121. 121. Et 125 chants de victoire. 125 chants j'ai longtemps erré sans guide. Chantez de cœurs ouverts. Mwimbe na moyo wazi. Chantez avec joie. Mwimbe na furaha. Chantez plein d'assurance. Mwimbe venye kujaziwa na quelque chose va se passer. Hakikisho na kitu kimoja kitafanyika. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur. Mais la mort guère habite, Amen. Vous comprenez ces choses? Amen. Personne ne peut nous arracher ce que Dieu nous a donné. Amen. Est-ce que vous convaincu? Si nous allons d'Acte 2, le Saint-Esprit ce n'est pas de l'histoire, ni une prédication, mais l'expérience. Amen. D'Acte 8, Matendo sura mnane, c'est la même chose. Iko hivyo hivyo. D'Acte 10, Matendo kumi, même avant que les gens ne soient baptisés, mbele hata watu kubatizwa, comme ils avaient le cœur ouvert, vile walikuwa na moyo wazi, Roho Mtakatifu ilikuwa yulu yabo. D'Acte 19, Matendo 19, après avoir baptisé, kisha Paul imposait les mains aux croyants, Paulo aliweka mikono baminifu na Roho Mtakatifu ilikuwa yulu yabo. Tu dois connaître que tu là. Unapashi kujua kwamba kuna yo. Non pas supposer. Apana kuzania. Non pas imaginer. Apana kufikili. Est-ce que c'est la promesse du Père? Wani ni malako ya baba. Êtes-vous convaincu que Dieu baptise encore du Saint-Esprit? Croyez-vous qu'il est capable de te baptiser du Saint-Esprit maintenant et te rassurer? Et te dire, je te l'ai donné. Tu es à moi. Ma sœur. Dada yangu, mon frère, ndugu yangu, croyez-vous que rien n'est impossible à Dieu? Unaamini kwamba kuna kitu asipowezekana mbele ya Mungu? Même ta maladie là, hata magonjo yako ile, c'est petit rien. Ni mambo kidogo. Laisse-moi vous montrer. Acha nimeambie. Combien sont malades? Bangapi ni bagonjo hapa? Mettez les doigts haut. Munyoroshe tu mikono juu. Frère, regardez celui qui lève les doigts à côté de toi. Même les sœurs, regardez. Nadada, nanduku, mangare tula na nyolosha mkono. Pembeni yako ula na nyolosha. Lève les doigts correctement. Munyoloshe mikono mzuri. Celui qui est, quiconque est malade, lève les doigts. Yeyote kumgonjwa na yote mkono yake. Lève comme ça. Munyoloshe nguvu sana mikono yenu. Frère, nduku, sœur, dada, si tu es convaincu. Kama kuna hakikisho. Que Dieu exauce les prières. Ya kwamba Mungu yako nakubali maombi. Sois concerné. Ile mambo iko yako. Toi qui es à côté de ton frère ou ta sœur. Wewe ule kupembeni ya nduku yako wala dada yako. Si tu es convaincu. Kama kuna kifisho. Que si je l'impose les mains. Kama nikimweka mkono. Dieu va m'écouter. Mungu atanisikiliza. Dieu va l'écouter. Mungu atamsikia. Dieu va nous écouter. Mungu atatusikia. Na atapona atatunzwa. Lève-toi. Le frère qui n'est pas malade. À côté mugonjwa, de celui qui est malade. Pembeni ya ule mugonjwa. Lève-toi et impose ton frère. Usimame umweke mkono nduku yako wala dada yako. Lève-toi et impose les mains à ton frère. Simama umweke nduku yako ule mikono. Celui qui n'est pas malade. Ule wasipo kugonjwa. Qui est plein d'assurance. Ule anayana na tumaini. Impose les mains à celui qui est à côté de toi malade. Amweke mikono ule mugonjwa yako pembeni yako. Impose les mains correctement. Mweke mikono yote mbili. Dada. Impose les mains à ta sœur. Na umweke dada yako ule mugonjwa mikono ule yako pembeni yako. Avec assurance. Na hakikisho yote. Ne doute pas dans le cœur. Usishakie moyo wako. Dis, je suis fille de Dieu. Sema niko binti wa Mungu. Je m'adresse à mon père. Ninamwambia baba yangu. Je suis fils de Dieu. Mtoto wa Mungu. Je m'adresse à mon père. Namwambia baba yangu. Atanikubali. Atatusikiliza. Et la guérison va se produire. Na utunzo utafanyika sasa hivi. Pas demain. Hapana kesho. Pas après une semaine. Kisha juma. Maintenant. Hapa sasa la sœur va sentir dada, dans le corps. Dada atasikia mumwili. Le frère doit sentir dans le corps. Qu'il est guéri de son mal. Ya kwamba anatunzwa na magonjwa yake. Vous êtes convaincu que si vous priez bien va exaucer. Unahakikishwa kwamba ukiomba Mungu atakubali. Vous êtes convaincu que si on prie pour vous Dieu va exaucer. Unahakikishwa sema bakiniombea Mungu atanikubali. Magonjwa yote ile ni mademona. Chassez-les. Muifukuze. Chassez-les. Mwifukuze. Nous nous opposons. Si tunaikomanisha. Contre tout esprit impie. Mademona yote. Même l'épilepsie. Hata kifafa. Même la paralysie. Hata kupoza. Tous les démons. Mademona yote. Toutes les maladies. Magonjwa yote. Sont venus du diable. Inatokea kwa shetani. Toutes les maladies que vous avez, c'est le diable qui les a envoyées. Elle a guérison. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui l'envoie. Prions. Dieu tout-puissant. Dieu vivant. Créateur de toutes choses. Cite ta parole. Nous imposons les mains à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Comme l'église. Nous nous lèvons. Nous nous imposons. Et nous chassons toutes choses. Diable et Satan. Avec tes démons. Au nom de Jésus-Christ, je te commande. Sors. Seigneur, guéris ton père.